20h, Love in Fun. Oui. On sera là, on va retrouver celui qui prendra notre place hein, demain soir à 21h. Avec Chewbacca et RDD2. Exactement, ça va être une émission énorme en direct de l'Expo Star Wars, hein, c'est ça Tout à fait, Star Wars. Bonsoir, Identities. Identities. Exactement. Et Karima passera nous voir apparemment. Bah écoute, si tu veux que je passe, je passerai. Hein. Bah non, mais si tu veux, moi, après ce que vous voulez, vous pouvez passer nous redire bonjour. Ah d'accord, on n'est même pas invité. Mais bien sûr que vous êtes invité, pas de problème. Voilà. D'accord, mais je comptais venir, bah j'ai plus envie. Oh bah t'as raison. Tu m'arranges un coup avec Chewbacca? Si tu veux, pas de problème. J'aime bien les mecs poilés. Écoute, si tu veux. Bah il y a toujours Polo qui est en termes de poils est pas mal. Hein. Regarde le visage là. Pas avec les amis, pas avec les amis. Mais elle a deux mois de barbe, je t'en mets aussi, ça c'est une insulte ça pour moi. De quoi? Ça veut dire le mec il est tellement moche, non c'est un ami. C'est un peu comme quand on dit à Toff, il est. C'est exactement ce qu'elle nous a dit tout à l'heure. Voilà, gentil. C'est ça, oui. C'est un peu comme quand on dit à Toff qu'il est gentil ou qu'il a. Bon, il est gentil. Mais non, Polo, tu sais très bien. Mais y a pas non, de problème. Je sais pas. Bon, gros bisous. Vous. Rendez-vous demain pour une dure journée. Hein. Et en plus, c'est la dernière de la semaine. Oh là là là. Franchement, ces gars, je sais venir une heure. Moi, j'aurais dit au sous-chef ou au sous-chef, vous savez quoi, une heure, faut quand même pas déconner quoi. Non, bah, mais on voulait être là quand même. Ça va alors. Bon, allez, bonne soirée à vous. Et à demain 20h. Bisous. Ciao. Oui, je me laisse tic aussi. Pour bien comprendre, Mickaël nos limites, c'est. Excusez-moi, on a été coupé, madame. C'est moi qui ai coupé, allez au diable. Et c'est aussi. Bah, moi je vous emmerde et tu nous fais pas chier, sinon ça va barder. Mickaël nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oh. C'est bon de vous retrouver comme chaque soir sur Fun Radio de 23h à 2h et du lundi au jeudi également, puis le dimanche hein, de 20h à minuit sur Fun Radio. Et grâce à vous, on est de plus en plus nombreux chaque soir. Ça se voit sur Facebook, ça se voit sur Twitter et ça se voit un petit peu partout, même au standard. Il y a enfin quelque chose de bien à écouter le soir à la radio et c'est sur Fun Radio que ça se passe. Et puis bah évidemment, oui je sais c'est dur. Je sais c'est dur mais il ne reste plus que 2 jours avant la fin du monde. La Saint-Valentin, oui, je sais, ça va être difficile. La Saint-Valentin approche et il y a même Jérémy qui est avec nous de Marseille. Salut Jérémy. Ouais, salut les gars. Ça va, c'est de Saint-Valentin, ça va bien. Je pose la question chaque soir, mais t'as prévu un truc pour la Saint-Valentin ou pas? Ben non, moi je bande plus, donc j'ai rien. Oui, c'est vrai. J'avais oublié, on t'avait eu hier soir à ce sujet, ouais. Bon, ben on va en parler, reste avec nous là. Bon, si vous avez envie de passer à l'antenne, comme Jérémy, comme tous les autres d'ailleurs qui vont passer ce soir, eh ben n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler, évidemment. Il n'y a aucune censure chez nous. Vous faites le 01 42 48 5000 ou le 02 851 4x0 et puis vous viendrez parler avec nous tout simplement. Vous parlerez également avec Sandro qui est derrière son standard en pleine forme. Ouais. Avec Toff qui est là également avec ses nombreux amis. Allez vous faire foutre, je fais des têtes de con. Et même à nouveau. Je vais venir, je vais t'enculer ta race de merde, je vais t'enterrer, je vais te mettre ma bite sur la tête, je vais te couper ta croissance toi. Voilà. Un nouvel ami très sympathique. Très. Ah très. Bah oh là là, on a fait connaissance avec lui, c'était magnifique. Polo qui est également qui se remet de sa chute d'hier hein, pendant l'épreuve du curling aux Jeux Olympiques de saut de chille. Ouais, c'est vrai, je suis un peu la vidéo. On a un peu la bourre mais la vidéo va arriver. Oui. On va vous la mettre du curling, cette première épreuve. Rassurez-vous, les Jeux Olympiques reviennent ce soir, évidemment. Évidemment. Ouais. Alors, malheureusement, on est obligé de faire ça tard à cause du décalage horaire. C'est ça. Avec la Russie. Avec la Russie. Et le satellite. Et le satellite, donc ce sera vers 1h du mat, hein, évidemment, cette nouvelle épreuve des Jeux Olympiques. On va également ce soir vous offrir eh ben, les cadeaux comme toute la semaine. Hein, pour fêter la Saint-Valentin, justement, je vous offre toutes les 30 minutes des boîtes à désir. My Crazy Collection, offert par... Mesdessous.fr. Voilà, un sous-vêtement donc, enfin des sous-vêtements plutôt qu'on vous offre, ça vaut 100€ pour vous les filles. Et puis pour les garçons, bah vous allez pouvoir repartir avec ça, ça vous donnera une idée de quoi offrir à votre copain, à votre copine plutôt en l'occurrence. Donc si vous voulez gagner ça, bah, vous pouvez vous inscrire tout au long de la soirée, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. On aura également Priscilla avec nous du 61 de Belém. Salut Priscilla. Salut. Comment va? Ça va et toi? Bah écoute, plutôt pas mal. On va faire la colle dans quelques minutes avec toi, Priscilla. Ok. Très bien. T'as prévu un truc pour la Saint-Valentin, toi, au fait? Non, pas plus que ça. Pas plus que ça. Mais t'es maquée ou pas? Oui. Ah, d'accord. Donc en fait, t'attends simplement que ton mec prévoit un truc, quoi. Ça y est, c'est déjà prévu. Ah, c'est déjà prévu, mais tu sais pas quoi? C'est la surprise. Non, même pas. Il me l'a dit. Ah bah alors, c'est quoi que tu vas faire alors? Deux îles. Il t'amène quoi? À Deauville. À Deauville, d'accord, oui, en plein hiver. Hein, le 14 février, quelle bonne date. Ah bah oui, en plein hiver. Bah oui, bon, dans un bel hôtel avec spa, j'espère. Oui, tout à fait. Non, mais au Formule 1. Camping ou Formule 1, ouais. Bon, tu voudrais écouter quoi, toi, ce soir, Priscilla? Daft Punk. Ah bah pourquoi pas, Daft Punk, c'est. Où est-ce qu'elle est? Je l'ai foutu où, Daft Punk? Elle est là. Voilà, celle-là. Oui. Eh bah très bien, je vais te la caler dans quelques minutes, promis. Daft Punk avec Instant Crush. Et toi Jérém, un truc en particulier en tête là? Non, moi en particulier, non. Rien de particulier. Bon. Pas bon, bah d'accord, ok. Il y a Shakira qui est prévu également. Ça te branche, bah, Priscilla, Shakira, ouais, ouais, moi, Shakira. Et en plus, deux bonasses. Shakira et Rihanna. Il y aura Dimitri Vegas, il y aura Fatboy Slim. Avec évidemment le célèbre Hit Sleep Rave Repeat. Et puis un son que vous avez découvert sur Fun Radio dans Party Fun. Le samedi, c'est David Guetta Shut Me Down. Que je vous calerai évidemment avec plaisir d'ici quelques minutes. Voilà, donc restez bien avec nous sur Fun Radio. Et puis, bah, venez, choisissez vos titres également hein, ce soir. Vous faites comme Priscilla, vous demandez, il n'y a aucun problème. Il suffit de taper le hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission. Alors, on a été relativement vite top tweet hier. Hein, oui, on était... Tweet, le mot-clé le plus cité en France et en Belgique. Et ben, ce soir, on verra comment ça va se passer. Il y a Magda également qui a envoyé son premier message. J'ai hâte de voir la vidéo des Jeux Olympiques d'hier. Ah oui, je te le confirme. Oh là là. D'hiver, pas d'hier. D'hiver. Ouais, ouais, ouais. Il y a Félicia qui dit salut tout le monde. Passez une bonne soirée avec Mickaël Nolimit. Je vous écoute et je joue en même temps. Bisous et je vous kiffe. Et puis Mystique sur le Twitter également. Bonsoir mes chouchous d'amour, je sais pas si je vais rester jusqu'à la fin. Je suis déjà au lit et j'ai pas la grande forme. Bah Mystique alors, ça, comment ça t'as pas la grande forme? T'es sérieuse là? On vient d'arriver pour toi, rien que pour toi? Et t'as pas la grande forme? C'est scandaleux! Non mais alors, voilà, un petit coup de pelle, ça te remettra à mon avis les idées en place sans trop de problèmes. Bon, Jérémy, avant de parler avec toi, il y a Priscilla qui est là avec sa colle et qui va tenter de jouer également pour repartir avec un... joli ensemble de sous-vêtements Obad. Ça vaut 100€. Pour ça, évidemment, il faut découvrir la réponse à la colle de Priscilla. Priscilla, nous t'écoutons. Alors, la colle, c'est « Je me vide en me remplissant. Qui suis-je ?» Alors, « Je me vide en me remplissant. Qui suis-je ?» Si vous avez la bonne réponse, eh bien, c'est pas très compliqué. Il suffit simplement d'envoyer M-I-K-L suivi de votre réponse. Envoyez tout ça évidemment au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Et si vous êtes tiré au sort, eh ben vous repartirez tout simplement avec quoi? Avec Medesous.fr. Non, on repart pas avec le site, ah, pardon, il est pas à donner. Avec les sous-vêtements Obad offerts par Medesous.fr. Voilà, là c'est bon là. Bon, ah, et si vous avez... Je suis lobotomisé moi. Bah ouais, je sais bien, ouais. Donc si vous avez la bonne réponse, allez-y, bonne chance tout le monde. Et puis bah pour les autres, vous pouvez aussi jouer sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. On est plus de 346 000 dessus, donc vous pouvez venir. Il n'y a pas de problème et je vous colle, je vous mets la colle dans moins de 3 minutes. Voilà, sur le Facebook, facebook.com/mikaelofficiel. Tu restes avec nous, Priscilla, on donne la réponse avant minuit 30. D'accord ? Il n'y a pas de souci. Très bien. Bon, et puis, Jérém ? Ouais. Est-ce que t'es maqué, toi, au fait ? Eh non, je suis plus maqué. Là. Oh là là là là. Je m'en ai plus, elle m'a lâché. Eh ben voilà. Certainement parce que c'est bientôt la Saint-Valentin. Hein, et donc, comme je le disais, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à vous faire larguer avant cette date fatidique. Parce que bah, justement, votre mec ou votre meuf n'a pas supporté la pression ou a peur de décevoir, peut-être, je sais pas. Et donc, du coup, je voulais. Je peux boire bouffer des chattes, moi. Donc, maintenant. Ah, Jérémy, il est en forme. Mais c'est ça donc... qui est ouf, c'est que ce mec a tout fait pour être hyper beau gosse, pour que les meufs lui sautent dessus. Et maintenant, il peut plus rien. Il s'est viré. Voilà. Et donc, et donc du coup je voulais vous demander aussi ce que vous écoutez quand vous venez de vous faire larguer. Parce qu'il y en a qui sont en mode totalement déprimé, donc du coup ils écoutent que des chansons pour se remettre, tu vois. C'est au lieu de se dire allez je tourne la page, tant pis. Non, ils vont s'écouter des chansons comme ça qui arrivent notamment dans le top 3. Oh là là là là. Ah ouais, bah ouais. Priscilla, t'écoutes quoi quand tu te fais larguer, quand t'es triste? Ouais, après, j'ai pas de style particulier quand je me fais larguer. D'accord, bon bah sinon il y a U2 avec With or Without You. Alors il y a aussi celui-là. Alors là, je pense que là, tu te mets une balle directe. Hein. Ça déprime. Ah bah ouais. Je pense qu'effectivement, tu te mets une balle. Et alors attention, le pompon, le sommet, le top du top, le morceau exceptionnel, c'est-à-dire que si je me fais larguer, que je suis triste et que je mets ça, c'est qu'il faut m'achever. Non mais je le dis ouvertement, comme ça il y a des témoins. Tu et moi. Alors là, Tabernacle, Céline Dion, que vous pouvez écouter également. Ça vous mettra directement une balle dans le cœur. Avec Christophe là. Avec Christophe qui est là également. Il se fait larguer, lui il écoute pas ça. Christophe. Ah non, lui il écoute pas ça, lui il écoute comme quelque chose de complètement différent. Là, oui. Complètement différent, il écoute Patrick Bruel. Ouais. Bon, je vous expliquerai l'histoire de Patrick Bruel tout à l'heure. Hein. En gros, Toff s'est fait larguer sur cette chanson-là. La meuf lui a offert l'album complet en lui disant bah écoute, allez casse-toi. Quelle salope. Elle a brisé notre Toff. Mais ouais, c'est ça. À l'époque c'était un mec bien. Ouais. Enfin bon, il a changé, si vous voulez, comme tout. Donc dites-nous vous, quelle est la chanson que vous écoutez quand vous êtes triste? Quelle chanson vous écoutez quand vous êtes déprimé, quand vous venez de vous faire larguer? Vous envoyez vos messages maintenant hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission. Et vous pouvez également appeler bien sûr Sandro au standard 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Moi j'écoute Annie Cordy avec Tata Yo-Yo. Oui, c'est une idée également. Grand chapeau. Ouais, non, c'est une idée également. Sinon, il y en a qui peuvent aussi écouter cette chanson-là. Robbie Williams. Ou alors James Blunt, encore une, il y en a deux. Hein. You're Beautiful. Il y a Passengers aussi. Il y a Passengers également. Attends, je sais pas si je l'ai celle-là. Je pense pas que je l'ai en stock. Je n'ai pas ça, malheureusement. C'est dommage. Bon, donc dites-nous ce que vous aimez mettre quand vous êtes. Merde, quand vous venez de vous faire larguer, je vais y arriver, moi. Attendez, je vais me réveiller un petit coup là. Hop. Voilà, ça va mieux. Bon, on en parle dans quelques minutes. Priscilla est avec nous. Elle va pas bouger. Jérémy également, qui nous avait appelé hier soir en fin d'émission. On n'avait pas eu le temps de te prendre. Et tu nous avais appelé, Jérémy, parce que tu fais de la muscu. Et à force de muscu et à force de prendre des cachetons illicites. Voilà, on va dire ça, ouais. Voilà, qu'est-ce qui t'est arrivé? Rappelle-nous tout ça. Bah en fait, j'ai les couilles qu'on rétrécit dans un premier temps. Putain, donc j'ai plus de couilles. Eh mais ça t'a pas fait peur? Bah ça c'est des effets qu'on... Bah, je le savais, tu vois. Ouais. Je savais que bon, la testostérone on la produit par les couilles. Et forcément si tu t'en injectes, en fait, ben, les couilles vont rétrécir parce qu'elles sont au travail en fait. Ah donc, putain. Mais attends, mais à partir du moment où tu le sais, pourquoi tu le fais? Ben parce que ça, à la rigueur, je m'en foutais, tu vois, que les couilles rétrécissent, ça, je m'en foutais, tu vois, à la rigueur, je m'en fous parce que j'y plais normalement et tout, tu vois. J'avais des bonnes éjaculations, donc c'est ça. Au début, ça se passait bien. J'ai pris du muscle, j'ai pris bon de muscle. Après, j'ai eu les tétons qui se sont développés, j'ai les seins qui ont commencé à pousser, en fait. Non, t'as des nibards, là? T'as quelle taille, J'ai des pecs, en attends, fait. Attends, y a Taf qui veut te parler, là. Ouais. Ouais, combien mesures-tu? En bonnet, tu veux dire? Non, combien tu mesures en taille? En taille, je peux mesurer 1m75. D'accord, quel est ton tour de poitrine? Mon tour de poitrine, c'est 33 cm. Oh, okay. Elle est bonne. Attends, là, pas tout, là. Donc, et le bonnet? Là, le bonnet, je le dis pas, là, laisse tomber. Bon, allez, B, un petit B. Non, assez, moi je suis sûr. Allez, un 130 B, là, non? Un E. Un 130 E, comment tu l'es, donc? Très bien. Qu'est-ce qu'elle est bonne, Jérémo. Oui, pas mal. Bon, on va demander l'avis des filles. Tiens, Sandro, toi qui es une fille, enfin, je pense. T'aimes bien les mecs musclés, genre tablette de chocolat ou pas trop? J'aime bien, mais pas trop. C'est pas vrai, t'aimes les crasseux, les mecs c'est avec du gras. C'est tous des mecs dégueux, c'est tout gras. Non, je suis pas exigeante. Ça. Bah, il vaut mieux pas. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment. On pense qu'il y a. Les ex, si vous nous écoutez. C'est ça, ouais. Non, mais. Non, je suis pas exigeante, niveau physique, tout court déjà. D'accord. Mais j'aime les mecs hyper baraques, hyper musclés, c'est pas trop mon délire. Comme Jérém avec un 130 E de tour de poitrine. Non, c'est voilà, trop. Bon. Dites-nous, les filles, tiens, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous aimez ou pas les mecs super musclés? Et pareil pour les mecs, est-ce que vous aimez les filles musclées? Moi, moi ça d'une laideur. J'adore ça. J'ai vu une meuf, je sais plus comment ça, c'était sur internet. J'ai vu la meuf, elle avait une bonne paire de seins, mais alors elle avait des plaies de chocolat en dessous, quoi. Oh, j'adore. Tu les voyais, tout était dessiné et tout, tu te dis. Oh, il en faudrait une comme ça pour Toff. Mais il pour, en avait une. Pour bien le tu vois. Il avait une meuf, Toff, à l'époque, qui était musclée. Ouais mais bah, elle était musclée, mais elle avait pas les tablettes de chocolat et tout ça. Si. Elle était pas. Non, t'es ouf. Non, elle avait pas les tablettes, mais elle était musclée. Non, elle était hyper bien musclée, mais elle avait pas les tablettes. Voilà. Mais c'était bon. Pas à ce point-là. Bah venez nous en parler, nous, appelez-nous, il y a 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Il y a le prince qui dit mais le mec c'est juste dingue, on s'en fout de tes muscles, là, pense à ta santé avant tout. Et Romain qui dit moi c'est Drake que j'écoute avec How Long We're Going On quand je me fais larguer. Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal aussi, celle-là de Drake avec Hold On, We're Going On. Où est-ce que je l'ai encore, celle-là? Celle de Drake. Je l'avais il y a 2 secondes, et ben je l'ai perdue, celle de Drake, c'est dommage. Bon, on va la mettre dans quelques minutes, c'est pas grave. Bon, allez, c'est parti, on va se mettre le son maintenant de Shakira sur Fun Radio avec Can't Remember To Forget You. On va revenir, on va jouer au jeu du je t'emmerde ce soir, et on aura le karaopé. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Hey, je vous l'ai promis, le son de Shakira, Rihanna, Can't Remember to Forget You. On est au cœur d'une heure sans pub sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël, nos limites. Mickaël, nos limites, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio. Soyez les bienvenus si vous venez d'arriver. C'est Mickaël, nos limites. Il est 23h17. On est au cœur d'une heure sans la moindre pub. Et venez délirer avec nous, hein, comme tous les soirs. Vous balancez vos messages en direct sur le Facebook, facebook.com/mickaël officiel. Et sur le Twitter, là aussi, ajoutez-moi si vous voulez me suivre. Hein, je vous suivrai également. Tapez mickaël_officiel. Et puis, bah voilà, vous me faites un follow. Et je vous ferai un follow par derrière pour les filles. Une bonne poignée de main pour les garçons, comme d'habitude. Et je vous ai posté également la petite question hein, sur le Facebook et sur le Twitter. Là, qu'est-ce que vous écoutez comme musique quand vous êtes triste? Puisque apparemment, d'après un sondage, la musique qui arrive en numéro 1 quand on est triste, c'est celle de U2. Avec With or Without You. Il y a aussi James Blunt avec Goodbye My Lover. Alors ça, c'est la pire. Hein. Goodbye, my friend. Enfin, elle est bien, mais je veux dire, quand tu viens de te faire larguer, c'est quand même dur. You have been the one for me. Et alors, en numéro 1, et c'est surréaliste, Céline Dion avec Pourquoi tu m'aimes à un cœur. Si tu l'entends, tabernacle. Tabernacle, dis donc. Quel magnifique. On salue d'ailleurs tous nos amis canadiens qui nous sont en train de nous écouter là également avec l'application sur l'iPhone. Voilà, sur le e-téléphone. Voilà, donc bah, allez-y, dites-nous. Il y a Wendy qui dit moi c'est Nine Inch Nails avec Closer. On a ça, Nine Inch Nails. Nine Inch Nails. J'ai découvert récemment ce que ça veut dire. En fait, c'est la taille des ongles. Exactement, nails. C'est 9 pouces d'ongles. 9 mais pouces d'ongles. Ouais. En fait, moi je pensais que c'était un truc allemand à la base. Nine Inch Nails. En des fait, années. Pas du tout. J'ai cru ça et quand j'ai appris ça, j'ai dit mais ils se foutent de ma gueule. Mais ouais, Nine Inch Nails, voilà, nails. Avec Closer. Bah attends Wendy, on va aller voir ce que c'est non, là. Tu l'as ou pas? Ça bug. Ah, ah voilà. Ça bug. Merde, tu l'as ou pas? Ouais, c'est bon. Alors attends, vas-y. Ça marche non, pas. Il y a la pub, il y a la pub. Oh là là. Bon, il y a Adeline qui dit c'est moche une fille trop musclée comme un mec d'ailleurs. Il y a Valo qui dit c'est dommage ses muscles ne valaient sûrement pas qu'il mette sa santé en jeu. Il y a Romain qui dit les meufs musclées c'est dégueulasse. Et Jean-Pascal qui dit salut Mickaël et bonjour à tous de la Réunion. Déprimé égale chanson la banane est un fruit délicieux. Ah ouais bien sûr Jean-Pascal. Je pense que là on est au top avec ça effectivement. Ouais. On a le alors c'est ça. Toi t'écoutes ça Wendy. Ah oui je connais en plus. Oh c'est pas une chanson de déprime Nine Inch Nails avec Closer. Mais un peu plus loin on va mettre un peu plus loin. Attends tomber sur le refrain là. Ouais bon c'est pas vraiment une chanson de déprime hein. Attends et entre ça et ça je pense qu'il y a quand même une marge hein. Il y a, moi j'aime bien les filles avec des rondeurs car une fille trop musclée c'est très moche. C'est Dédé qui avait envoyé le message. Et tu vois Jérém. Ouais. Bah les filles elles aiment pas trop les mecs trop baraqués hein. Elles ouais, aiment bien un peu de muscle, un peu de dessin mais pas des pas musclores quoi tu vois. C'est vrai mais moi je le fais pour moi, je le fais pas pour les autres. D'accord, bon vu comme ça d'accord. Il y a Security qui dit petit retard pour ma part là, j'avais pas vu leur coup de pelle. Bah ouais tiens plutôt deux fois qu'une. Bon il y a Audrey également qui est avec nous de Montrouge dans le 92. Salut Audrey. Salut Mickaël. Comment vas-tu? Eh bien écoute ça va. Mais tant mieux, écoute, sois la bienvenue Audrey. Alors Audrey, toi tu voulais réagir par rapport à Jérém? Ouais, en gros, bah déjà d'une, je voulais dire que c'est vrai que non, les hommes musclés, c'est quand même sympa. Bon, il faut pas trop que ça soit musclé, mais quand même, c'est plus sympa, quoi. Eh, c'est bien pour sortir avec ton sac. tu avec tes petites chaussures à talons, ton sac, tu dis ah, il est parfait. C'est non, ça, mais... en fait. Non, c'est quand même plus mignon quand même qu'un mec qui a du bide avec un peu de drap, quoi, quand même. Non, mais attends, il y a une différence. Non, attends, il y a une différence entre un mec musclé, un mec qui est mince mais qui est pas forcément musclé, mais pas pour autant gras, et puis après un mec gras. Ouais, c'est pas faux. Ah, avec les filles, il n'y a pas de demi-mesure. Hein. T'es musclé ou t'es gras. Tu vois, il n'y a pas de. Il n'y a pas des mecs normaux, tu vois. On parle pas de gringalet, on parle juste de okay. D'un mec bon, normal, alors, non, quoi. Alors, pas trop musclé, quoi. Donc, exactement. Pas trop musclé. Donc, les c'est tablettes ça. De chocolat ou pas pas spécialement. Après, c'est trop dur, ça fait mal à la tête quand on. Bah, ouais, c'est ça. Parce que quand vous l'utilisez comme oreiller, évidemment, voilà. Après, c'est emmerdant, quoi. Ouais, je comprends. Non, mais évidemment. Bon, et donc, du coup, Audrey. Oui, alors en donc, gros, je parlais du fait, enfin je voulais parler sur le fait, surtout à Jérémy, qu'apparemment il avait un problème entre guillemets de comment on pourrait dire ça, de couilles. Sa petite, voilà, qui bah, en gros, il prend trop de cachetons et du coup, ça a fait réduire ses couilles. Voilà, alors bon, que ça soit un problème de couilles, c'est pas forcément le seul problème, c'est qu'apparemment, d'après ce que moi j'ai entendu au moment où j'écoutais la radio, dans ma voiture, il disait qu'il avait du mal à bander maintenant, quoi. Oui, maintenant il bande plus, en plus il a une paire de boobs, alors c'est pour te dire, hein. Alors là on est au top. Enfin, bientôt ce sera une meuf, quoi. Ouais. Mais une meuf baraquée, hein. Jérém, t'es encore là? Ouais, je suis encore là, ouais. Ah d'accord, ok, très bien. Donc ouais. T'arrivais plus à bander non plus, toi, c'est ça? Non, j'arrive plus à... Je bande que sur Viagra, moi, en fait. Ah, que sur Viagra. Oh là là. Mais en fait, toi, t'es juste un cacheton sur pattes, quoi. Ouais. En fait, je suis une formation ambulante, en fait. Ouais. Oh, en fait, tu prends des cachetons pour compenser les autres cachetons. Voilà, bah en fait, vu que je bande plus, je suis obligé, si je veux niquer, en fait, faut que je prenne du Viagra. Sans Viagra, je bande plus, sinon je bouffe que des chats, sinon. Oh non, putain. Mais il ouais. Y a un truc, c'est chez le doc que t'aurais dû finir, mec, hein. Mais, ouais, en fait, ouais, c'est chez le doc, ouais. Mais est-ce que le tout doc, ce que pas tu... C'est trop le doc, non? Non. Est-ce que non, tout ce que tu prends... Ah oui. Mais oui, mais bien sûr, t'inquiète pas. Ah ouais. Est-ce que tout ce que tu prends, ça t'aide à avoir la langue plus agile? La quoi? La langue. La langue, ouais, elle est musclée aussi, elle doit être musclée. Ah ouais, bah très bien, bah ça, c'est les filles, doivent être contentes, alors c'est très bien. J'aime bien, tu as vu les fans de Fontaine là? Oh l'horreur! Dégueulasse. Il y a les Axtines aussi qui disent, il faut pas regarder que le physique, tout dans les muscles et rien dans le cerveau. Il y a Camille avec AK qui dit, ah non, c'est moche les mecs trop musclés. Limite, tu prends les abdos dans ta main, quoi, c'est moche. Frédéric qui dit, c'est parti pour le taf en vous écoutant comme tous les soirs, il fait 25 degrés, c'est génial et bonne soirée. Et ouais, il doit être à La Réunion. Ah oui. 25 degrés, là, il est en pleine nuit, 5h du mat, c'est 25 degrés, c'est la température normale, Frédéric, hein, faut arriver. Quentin qui dit qu'on peut être musclé sans se voir, c'est mon cas et j'adore faire des bras de fer, j'ai 14 ans et je bats des gars de 45 ou de 19 ans. Oui, mais ça veut rien dire après, hein, regarde. Je le défie. Ouais, mais toi, t'es hors norme. Eh, regardez, Toff, c'est une bonne nouvelle, hein. Tous ces gens qui aiment pas les muscles. Mais moi, je suis très heureux. Je me disais, là, il était temps que je me remette un peu au sport. Mais en fait, non. Et en fait, j'entends ça, je me dis non. Mais en fait, faut manger, là. J'ai le corps idéal. Allez, hop, on va manger. Toff, les muscles n'ont jamais été développés. J'ai vu sa poitrine, là, il y a hop, le pec n'a jamais été dessiné. Le biceps est inexistant. Non, mais totalement inexistant. J'avoue que au-delà de la ceinture, j'ai jamais rien musclé. Par contre, j'ai les jambes super musclées. Si tu cours vite. Je voulais poser une question à Jérémy, quoi. Vas-y, Audrey. Est-ce que t'es déjà réellement tombé sur une nana qui était bandante aussi, quoi? Ouais, t'inquiète pas pour ça, ouais. Non, mais une vraie fille qui peut s'occuper de toi et que normalement il n'y a même pas besoin de produits. Audrey, ouais. Audrey, combien mesures-tu? Moi je suis petite, je fais 1m59. Combien pèses-tu? Je fais 55-56 kilos. Quel est ton tour de poitrine? Non mais ça va, tu... Non, je fais du 80B aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que hier c'était plus. Non, avant c'était moins. Ah, ah mais tu t'es ouais, fait... Ouais, j'ai pris un peu plus de poids maintenant. Ah d'accord, et la taille de pantalon que tu as acheté? Le dernier pantalon il est à 38. Ah ouais. Bonne. Ouais, ça va, non, bien. Bonne. Non, elle est pas mal, elle est pas mal. Je suis pas super musclé, Audrey. Hein, c'est ça. Oui, ça c'est clair. C'est moi qu'on puisse dire. Bon, Audrey, Jérém, restez là tous les deux. Il y a Adrien aussi qui va donner son avis d'Auxerre là dans quelques minutes. On va prendre celui de Priscilla aussi, hein, tant qu'à faire. Et j'avais une question, tiens, puisque vous êtes là, Audrey, Adrien et Jérém, là, t'es là, Adrien aussi, hein. Salut, Kel. Salut, Adrien d'Auxerre, ça va bien? Ça va, ça va. Bon, à votre avis, qui achète le plus de sextoys, les hommes ou les femmes? Les hommes. Non, les femmes. Non, c'est plus les femmes. Non, alors, Jérém, les femmes, Audrey, les femmes, Adrien, les hommes, c'est ça? Ouais. Eh ben, t'as bien raison, Adrien. Eh oui. 70% des hommes achètent des sextoys, et principalement du Sud, apparemment. Il y a un site qui s'est amusé à faire l'acheteur type du God, et c'est un Montpelliérain de 30 ans, et en couple. Du coup, bah, je me demandais, en fait, est-ce que ça vous fait plaisir, justement, lorsque votre mec, vous offre des sextoys, et surtout, comment est-ce que vous le prenez? Voilà. Ton mec, il t'offre un sextoy, Audrey, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, ça dépend comment ils s'en servent, en vrai. D'accord. Non, mais en même temps, c'est pour toi, alors, normalement, le sextoy. Non, c'est comment justement, mais ça dépend comment ils l'amènent. Tu vois, ah, ce que je veux dire, d'accord. Ah, moi, je pensais que tu voulais dire, ça dépend comment il te fait l'amour, et si en fait c'est pas terrible et qu'il te file un sextoy, c'est bon. Oh, vraiment... non. D'accord, ok. Non, parce que. C'est un complément, normalement. Ouais, d'accord, vrai. Non, parce que ça fait un petit peu, bah, je m'occupe pas bien de toi, donc du coup, je vais essayer un jouet, hein, parce que je suis pas bon, enfin, tu vois, ça fait un peu bizarre, quoi, hein. Ok, ouais. Bah, je trouve. Ouais, c'est pas faux. Mais en même temps, ça peut être, un petit peu un piment à un moment donné. Ouais, aussi. Bon, en tout cas, on va appeler des gens pour leur demander, Toff. Ah, évidemment. Si vous avez des numéros de téléphone à nous donner, hein, des numéros de téléphone de gens encore debout à cette heure-ci, N'hésitez pas, Tof fera ça avec plaisir maintenant. Donc vous envoyez le numéro sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Jérém, Audrey, Adrien, vous restez là. On va faire le je t'emmerde également dans quelques minutes. Et puis je vous avais promis le son de Dimitri Vegas. Eh ben on va se le faire maintenant sur Fun Radio. On est toujours au cœur d'une heure sans pub. Il y a mis un message, salut Mika, j'écoute Scorpion avec On Living. Et New, tu peux passer un court morceau s'il te plaît, c'est Yvan. Attends, on va essayer de le trouver aussi parce qu'on l'a pas forcément en machine. Et Julien qui dit, moi quand je déprime, j'écoute Jean-Pierre in the Wonderland. Jean-Pierre Sauzère. Alors on revient dans un instant sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit, bienvenue. Le son de Dimitri Vegas et Stampede sur Fun Radio, bienvenue si vous venez de débarquer, si vous voulez nous écrire, n'hésitez pas. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S, suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël, No Limit, de 23h à 2h sur Fun Radio. Et vous pouvez prendre le contrôle également via le Twitter de l'émission, tapez le hashtag Mickaël, évidemment on lit tous vos messages, et sur le Facebook, eh ben vous tapez Mickaël officiel, c'est ouais. Pas plus compliqué que ça, voilà, il y a... Ah oui, on l'a, il y a Yvan là, qui voulait qu'on écoute un petit bout de Scorpion là, tu l'as, Taf ou pas ? Oh, avec la guitare qui pleure. Oh, c'est beau. Ah, du coup, tu pleures aussi, ah, et puis oui. Voilà, t'es triste. Tout le monde pleure. La guitare pleure. T'as envie de péter la guitare sur la tête à Taf ? Ouais, c'est clair. Classique quoi. Voilà, pendant qu'il boit sa sampé. Ouais. Pour pisser. Ouais ouais ouais, bon évidemment Yvan là avec ça je comprends que t'as envie de mettre une balle hein. Il y a Guillaume qui dit moi perso c'est Diddy Dirty Money Coming Home, elle fout bien le bad. Un coup de pelle pour Sandro c'est possible avec plaisir. Voilà, et la chanson que t'écoutes c'est ça donc. Ah et Diddy Dirty Money Coming Home. Bon ça va, elle fait pas pleurer cette chanson là, pas déconner. Le refrain il est Le refrain ouais. Ouais attends j'essaie de le mettre. Attends vas-y, mets le refrain un peu plus loin là. Ouais. Oh si là. Ouais. C'est quoi ça? C'est Dirty Money. C'est ouais. Le groupe de meufs qu'il avait monté Pididi. Ok c'est vrai. Bon il y a Dédé également qui dit j'aime bien les filles avec des rondeurs car une fille trop musclée c'est trop moche. Et Manon qui dit un bon avant de tout Rake Off Session à un moment déprime. Moi j'aime bien. Oh là là, Aventura avec Obsession quoi. Non mais c'est ouf. Non mais vous êtes sérieux là? Tu veux pas? C'est pas une chanson de déprime ça? À la limite c'est une chanson tu mets la fête, attends mets un peu plus loin là, directement. Qu'est-ce que c'est pas des primes. Oh non, je suis pas d'accord avec ça pour le coup. Bon allez hop, c'est bon, on va faire le je t'emmerde dans quelques minutes. On va reparler avec Jérémy qui a pris trop de médoc pour devenir baraqué. Du coup il arrive plus à bander les petites couilles. Il y a Audrey et Adrien qui voulaient réagir. On va faire le je t'emmerde avec Cathy et Marie. Mais avant ça, on va demander à nos nouveaux amis, évidemment surtout aux amis de Tof, s'ils ont, s'ils ont un sextoy à la maison. Et si ça ferait plaisir à madame d'avoir un sextoy. Exactement. Donc on y va grâce au numéro que vous nous avez envoyé juste avant le son de Dimitri Vegas. On appelle maintenant au numéro que vous pouvez encore envoyer jusqu'à 2h du mat sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Allez, c'est parti, on y va, on appelle le premier de ce soir là. On écoutera Fatboy Slim aussi tout à l'heure. Allô. Oui, allô, bonsoir monsieur. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir oui. Monsieur. Voilà, en fait je vous appelle parce que je voulais savoir si ça ferait plaisir à votre femme que vous lui offriez un sextoy. Écoutez monsieur, si vous foutez de moi, il faut le dire tout de suite. Hein. Ah non, pas du tout monsieur, je n'oserais pas. Non, bah écoutez, ça ne m'intéresse pas du tout à cette heure-ci, non merci. Non mais en fait je vous vends rien monsieur, je vous ai juste posé une question. Oui, ben non, ça ne m'intéresse pas monsieur, merci. Oui mais ce n'est pas la réponse que j'attendais monsieur. Moi je veux juste savoir si ça ferait plaisir à votre femme ou pas que vous lui offriez un sextoy. Je n'en ai rien à cirer monsieur, mais, ça va? Oui ça j'ai compris mais ce n'est pas le but de mon appel monsieur. Allô? Oui, monsieur. Oui, non, je disais parce que là, vous n'avez pas répondu à ma question. Mais je n'ai pas envie d'y répondre à votre question. Mais pourquoi, monsieur? C'est pas gentil. Écoutez, bonsoir, monsieur. Merci. Mais non, vous n'avez pas répondu à la question, monsieur. Ah, il n'a pas répondu, mais il a raccroché quand même. Ah, on va le rappeler. Bah oui, on va le rappeler. Allez, c'est parti. Hop, on y retourne. Il avait l'air gentil et cordial en plus. En plus. Bah oui. Allez, hop, c'est parti. On y va. Oui, monsieur, ça se fait pas de pas répondre à la question. Mais monsieur, vous oui. Vous foutez de qui, s'il vous plaît? Mais de personne, monsieur. Moi, je vous appelle, je vous pose une question, vous n'y répondez. Mais vous m'importunez, monsieur. Mais pas du tout, monsieur. Moi, je vous pose juste une question. Mais je n'ai pas envie d'y répondre. Mais oui, mais ça se fait pas, monsieur. Quand on vous appelle, qu'on vous pose une question, vous répondez. C'est la politesse. Écoutez, monsieur, vous allez me foutre la paix, hein? Mais oui, mais répondez à ma question et je vous laisse tranquille. Non. Mais si. Je vous réponds non. Eh bien, je vous réponds non. Ah voilà, ça n'intéresse pas votre femme alors. Voilà. Eh ben, ça ne m'intéresse pas. Eh ben voilà. Eh bien voilà. Vous ne pouviez pas commencer par là. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Eh ben moi aussi, monsieur. Eh bien voilà, et je vous remercie de votre impolitesse. Oh, c'est vous le plus mal poli, monsieur, c'est vous qui ne vouliez pas répondre. C'est vous qui m'avez agressé et qui m'interrompt et qui venez vous introduire dans ma vie privée, monsieur. Ah, pas du tout. Je venais pas demander à voir votre appel. Mais alors, laissez les gens tranquilles chez eux à domicile, s'il vous plaît. Oui, parce que chez eux, pas à domicile, ça serait pas chez eux, en fait. Écoutez, vous m'emmerdez et ne me ressonnez plus, hein. Merci, au revoir. Ah non, monsieur. Ah, il a raccroché. Non, mais non, non. On le rappelle plus. Ah si, on le rappelle, attends. C'est lui qui est vulgaire, c'est lui qui est méchant et c'est moi qui suis. Oh là là, par principe, mais non, mais ah non, oui, il a des principes. On le rappelle. Oh putain. Bon, allez. Mal élevé. Bon, qui parle? Non, monsieur, admettez que c'était vous le plus mal poli des deux. Écoutez. Je ne fais que ça, monsieur. Vous m'appelez d'où, monsieur? Moi, je vous appelle de Paris, monsieur. Ah bien, écoutez, moi je suis en Belgique et je n'en ai rien à cirer. Alors, vous me foutez la paix, hein. Ça va? Mais, attendez, monsieur. Oui, mais admettez que vous avez été mal poli. Le plus mal poli des deux, c'est vous, monsieur. On n'importe pas les gens pour leur poser des questions sur des sextoys. Moi, je vous ai appelé gentiment, je vous ai posé la question gentiment, c'est vous qui vous êtes emporté. Monsieur, vous m'emmerdez et vous ne me ressonnez plus, s'il vous plaît, hein. Oui, mais admettez vous que... Vous ne me ressonnez plus. Admettez que vous avez été... Vous avez été mal poli. Je n'admets rien, monsieur. Bah oui, mais si vous admettiez, je ne serais pas obligé de vous rappeler. Écoutez, ça va mal se passer, hein. Ouais, ça se passe déjà mal, hein, monsieur. Oui. Parce que vous vous énervez, vous êtes mal poli, et après ça va être de ma faute. Mais je n'ai pas demandé à voir votre appel, monsieur. Vous vous insinuez dans ma vie privée, je n'en ai rien à foutre de vos questions sur les sextoys. Bah oui, mais vous, il suffisait de répondre, monsieur, c'est pas parce et que... Bien, je vous ai répondu, ça n'intéresse pas ma femme. Oui. Bonsoir, monsieur, appelez quelqu'un d'autre. Mais vous avez été... Vous avez été énervé, mal poli, admettez-le. Mais vous allez cesser de m'importuner, s'il vous plaît. Mais oui, vous admettez que vous avez été mal poli et on en reste je là, monsieur. Je n'admets pas que j'ai été mal poli. Bah, vous voyez, monsieur, en plus, vous vous emportez encore. Mais vous allez me foutre la paix, hein. Mais je ne demande que ça. Chaque fois que je raccroche, il me rappelle. Je ne demande que ça, c'est monsieur. C'est un gars de Paris qui me pose des questions sur des sextoys. C'est quand même débile, hein, tu te rends compte? Moi, je ne demande que ça, qu'à vous laisser tranquille, monsieur, c'est vous qui n'admettez... Je vais vous passer ma femme, monsieur, oui. Elle va vous dire ce qu'elle pense des sextoys. Avec ça les... va? Oui. Je vous la passe. Et moi, je lui dirai ce que je pense de vous. Je n'ai rien à vous dire, foutez-nous la paix. Oui, ou mais... sinon, j'appelle la police. Mais votre mari est mal poli, madame. Oh, merde. C'est dingue. Oh, putain, c'est dommage. Bah alors, qui était mal poli dans l'histoire, je ne sais pas. Bah c'est lui, c'est lui. Bah je sais pas. Bon, on en appellera d'autres des numéros, hein. Si vous voulez en envoyer, n'hésitez pas. toph@funradio.fr. Si vous voulez envoyer d'autres numéros, on les appellera encore évidemment avant la fin de l'émission à plusieurs reprises. Allez, on va se faire maintenant le je t'emmerde avec Cathy de Saint-Étienne. Salut la Stéphanoise. Salut. Comment vas-tu? Bah ça va, merci, et vous? Très bien, Cathy. De l'autre côté, Marie. Oh, une Montpellieraine. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir. Bien et vous? Et apparemment les Montpelliérains sont les plus coquines puisqu'elles aiment bien les sextoys. Oh. Apparaît-il. D'ailleurs Marie en a toute une collection. Eh oui. Non c'est faux. Oh. T'as pas de sextoy Marie? En bois. Non. Ah bon d'accord, ok, je pensais, c'est pas grave. Ce petit rire en ouais, nylon. C'est ça, ouais, cache beaucoup de choses à mon avis. Bon on va se faire un je t'emmerde 100% féminin, c'est bien. On va y aller, donc le principe est très simple, on va appeler des gens au hasard. Le principe donc, vous allez vous affronter. Le but, appeler quelqu'un donc au hasard et arriver à placer un maximum de je t'emmerde dans une conversation. Attention, ça doit pas être je vous emmerde, vous m'emmerdez, etc. C'est je t'emmerde ou je t'emmerde. À la limite, ça peut passer, il n'y a pas de problème. Celui qui arrive à en placer le plus dans une phrase cohérente, donc pas de je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, évidemment il faut que les phrases soient logiques et cohérentes, eh bien repartira peut-être avec le cadeau. Qui veut commencer? Ben moi. Toi, très bien Cathy. Eh ben commençons par toi. Alors Stéphanie, Cathy, ne bouge pas de là, de Saint-Étienne, je voulais dire. Je dis Stéphanie, ça a fait n'importe quoi. Cathy, ne bouge pas. Marie, ne bouge pas. On cale le numéro de téléphone. Cathy, dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, c'est à ton tour. D'accord. Tu dis allô. Tu dis allô, hein. Ok. Non, ouais. Allez, vas-y, c'est parti. Bonne chance Cathy. Merci. On fera la colle également avec Priscilla. Allô? Allô? Bonsoir, je m'excuse de vous déranger. Mais j'aimerais juste régler un problème avec vous. Vous auriez 5 minutes à m'accorder? Oui, en fait, depuis hier, ben, je reçois des SMS avec votre numéro de téléphone et on me dit je t'emmerde, tous les jours je t'emmerde, de toute manière je t'emmerde, après je t'emmerde, mais ça vient de vous ça, ces messages? Vous vous trompez de numéro, madame. Ah non, non, non, non, vous comprenez, si une personne... Bonne soirée, elle vous... Non, non. Vous vous trompez de numéro. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Si une personne, elle vous envoyait des « je t'emmerde par-ci, je t'emmerde par-là... » Et parti, ça... et parti, oh, et parti, et parti, et parti. Et alors, en 35 secondes, il y en a eu combien? 5. 5. Oh, petit score, Cathy. Petit score. Ouais, petit, bah ouais, il n'a pas resté longtemps. Ouais. Ah oui, c'est... ça arrive même au meilleur. C'est pas grave. Ouais, on en rappelle un autre, Marie, à ton tour. Il faut faire mieux que 5. Et on fera la deuxième manche juste après la pub. Donc, vous inquiétez pas, vous allez, tu vas pouvoir te rattraper, Cathy. Marie, c'est parti. Dès qu'il n'y a plus de musique en dessous de toi, là, tu dis allô. D'accord. Allez. On y croit. Qu'est-ce qu'elle a appris? Donc quand il n'y a plus de musique, oui, allô, toi, tu dis allô. Oui, c'était quoi cette histoire? Apparemment, tu m'aurais dit que... Allô, excusez-moi, mais je crois que vous vous trompez. Mais alors, non, non, c'est toi. Et puis de toute façon, tu sais quoi? Je t'emmerde. Et puis, t'as cru quoi dans la vie? T'as cru que j'étais comme ça? Excusez-moi, vraiment, mais vous vous trompez complètement de numéro de téléphone. Je t'emmerde, mais d'où tu me parles comme ça? T'as cru quoi? Je t'emmerde. Et puis, de toute façon, t'es qu'un connard. Et puis, pourquoi tu m'as dit ça? Franchement, je t'emmerde. Et puis on sent qu'elle a l'habitude, hein. Un jour tu crois que t'arrives comme ça et puis le lendemain comme ça tu me fais ça et puis franchement je t'emmerde, hein, je te jure, je t'assure que franchement si tu conduis comme ça ça va m'énerver et tout. Et hop là, il est parti. Alors combien là en 32 secondes? Un score très serré de 6. De 6. Ah, ah ouais, effectivement. Ah ouais. Cathy, Marie, effectivement, c'est très serré, mais bon, on verra dans quelques minutes, juste après la pub. On fait la deuxième manche et on verra laquelle des deux repartira justement avec 100 euros de sous-vêtements chez Obad. Cathy et Marie, vous restez là? Oui, oui. Ne bougez pas, on va récupérer Audrey, on va récupérer Jérémy, Adrien également, et Priscilla pour la colle qui est avec nous toujours là. Priscilla? Toujours là. Très bien, je rappelle qu'on va également filer toutes les 30 minutes des Pack My Crazy Collection offerts par Medesous.fr. Voilà, et on va refaire la colle également pour gagner un autre Pack My Crazy Collection d'une valeur de 100 euros avec des sous-vêtements. Priscilla, fais péter la colle s'il te plaît, je t'écoute. Alors, je me vide en me remplissant. Qui suis-je? Alors, je me vide en me remplissant, qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, il faut envoyer M-I-K-L suivi de la réponse au 64-900 ou alors au 63-22 depuis la Belgique. Et vous pouvez aussi jouer, bien entendu, sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Il y a Nancy qui proposait un siphon. Eh ben non, c'est pas ça. Non, une chasse d'eau. Non plus. On proposait la vessie. Non plus. Non, un entonnoir. Non plus. Les toilettes. Va falloir faire mieux. Ah bah oui, une piscine, un arbre, pardon. Non plus. Une bouteille percée. Ils en font loin. Ah ouais, bon bah d'accord. Si vous avez la bonne réponse, bah allez-y, hein. Vous n'hésitez pas, participez par SMS donc, ou alors sur le Facebook, facebook.com/MIKL officiel. Tu restes avec nous, Priscilla, on donne la réponse dans avant minuit 30 de toute façon. D'accord? Ça marche. A tout de suite. Et puis restez là aussi, vous, puisque je vous cale le son de Fatboy Slim. Ce sera dans quelques minutes, ça, sur Fun Radio. Fat Boy Slim, Hit, Sleep, Rave, Repeat, ça va débarquer sur Fun Radio. Tous les soirs, sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Pendant que certains braquent des tirelires, que d'autres s'inventent des vies, Mickaël, lui, tel un justicier, vous donne la parole. Il est plus gros cadeau. Mickaël No Limit, tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, allez balancer tous vos messages comme tous les soirs, on est en direct dans toute la France. Demain on sera d'ailleurs, on fait une émission spéciale demain entre 21h et 23h à la place de Love in Fun, enfin juste après Love in Fun, puisque l'équipe de Love in Fun sera là de 20h à 21h. Et puis nous on fait une spéciale Star Wars pour la Star Wars Identity. En direct de l'espace. Non pas de l'espace, non, ça aurait été bien, hein. Mais ce sera en direct de Paris Saint-Denis d'ailleurs. Si vous voulez venir nous rejoindre, il y a encore quelques places là, vous pouvez appeler Sandro maintenant, 01 42 48 5000, on fera l'émission spéciale Star Wars demain. Et puis on sera de retour dans les studios vers 23h pour faire une émission normale entre 23h et 2h du matin, bien entendu. Donc voilà, comme ça vous savez tout, ça se passe demain sur Fun Radio entre 21h et 23h. On va continuer à parler des musiques qui vous rendent tristes et des musiques que vous écoutez pendant que... Enfin, quand vous êtes, quand vous faites larguer. On va également faire la suite du Je t'emmerde avec Marie, avec Cathy, on va se faire la colle avec Priscilla. Et puis je vous avais promis du son, il y aura Cash Cash Take Me Home, il y aura Demi Lovato. Et puis je vous l'avais promis également juste avant la pub, le son de Fatboy Slim avec Hit, Sleep, Rave, Repeat. Pour ceux qui connaissent pas, c'est ça. Voilà. Le son de Fatboy Slim, donc Hit, Sleep, Rave, Repeat. Je vous le cale évidemment dans moins de 10 minutes sur Fun Radio. Autre bonne nouvelle également, c'est la nuit sans pub maintenant. Plus de pub jusqu'à la fin de l'émission. Et il y a un message de Sophie qui dit: merci pour tout ce que tu fais, Michael. C'est un plaisir de t'écouter. Oh, oh, so sweet. Oh, c'est gentil, Sophie. Je te fais des bisous. Emeric aussi qui dit: moi j'ai qu'un seul bras musclé. Devine lequel et pourquoi. T'inquiète pas, on a compris. Va, te casse pas. Wendy qui dit: ah ouais, Nine Inch Nails, on le savait déjà. Il y a Adeline qui dit: c'est moche, une fille trop musclée, comme un mec d'ailleurs. C'est dommage, ces muscles ne valaient sûrement pas la peine d'avoir des problèmes de santé. Let's Be Freaks qui dit: je voulais de Sully Céphile aussi pour la déprime, qui est pas mal. Sully Céphile. Oh putain. Qui se souvient de ce monsieur? Ah bah moi je m'en souviens, mais c'était ça. C'est moi. Mon Dieu, t'es où? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un mec qui racontait une vie en fait. Écoute-moi. Et il est dans une cabine téléphonique, ouais. Il appelle sa meuf. Calme-toi, écoute-moi, j'ai plus beaucoup de temps, écoute. Écoute, c'est un rap. Je voulais qu'on puisse. Ah, ça a mal vieilli, putain. Sois fantastique, je voulais te couvrir de cadeaux, t'offrir ce qu'il y a de plus beau. Je voulais te sortir de cette rengaine de merde, métro, boulot, dodo. J'avais beau. Ouais, bon, ok, bah ça a mal vieilli, hein. Le truc, il a quel âge? Il a pas d'âge, ce truc, il a 15 balais, je pense, non? Ouais, facile. 2000, bah 15, 14 ans, ouais, putain, Sully Céphile. Tu connaissais ça, Jérém, ou pas, toi? Jérém? Ouais, je suis là. Tu connaissais le morceau de Sully Céphile là? Voilà, je connais Sully Céphile, ouais, je connaissais le morceau. Ouais. Ça a mal vieilli quand même, hein. Ouais, ça a très mal vieilli. Oh putain, et Marie et Cathy là, vous connaissiez le morceau là? Oui. Non, moi je connais pas. Tu connais pas Cathy? Marie, tu connaissais toi? Oui, c'était il y a longtemps. Ah, mais t'avais 5 ans, Marie, hein, parce que t'as 19 ans aujourd'hui, donc. Ah, ça fait peur, hein. Waouh! Putain, waouh! C'était un carton, hein, quand même. Parce que j'ai des cousins, ils sont plutôt grands. Ah, ouais, d'accord, ok, ouais, pour ça, ouais. Il y a Fabienne qui dit: hello la team, presque une heure de retard, un coup de pelle pour moi. Évidemment. Moi, c'est la musique de Titanic, elle est triste. Ah, ouais, elle est chiante surtout aussi, hein. Elle est triste et complètement chiante. Oh putain. That is how my love, my heart will go. Oh. Cathy, vu ton âge, toi, t'as vu le film quand il est sorti au ciné? Ah ouais, mais j'adore, ah ouais, j'adore. Oh, j'adore. Oh, Leonardo, il était beau. Mais oui, il était beau, Leonardo DiCaprio, hein. Ah ouais. Et ce bateau qui coule. Je l'ai regardé. Oh putain, moi, je l'ai vu une fois, ça m'a suffi, hein. Non, pas moi, oh là là. Oh, je l'ai vu avec ma meuf, elle me dit: ouais, viens, ouais, au cinéma, voir Titanic. Je dis: bon, bah, on y va, putain. 3 heures, ah ouais. C'était long. Tu sais quoi, je me suis battu chaque fois, au tout début, t'avais des fils pour aller le voir. Oh, les gens, ils arrivaient le matin au ciné pour le voir le soir. Ah mais c'était une angoisse. Et chaque fois je faisais: non, on va pas faire toute la journée la queue et tout pour le voir. Et donc après elle m'a coincé, elle m'a fait à la maison: regarde, on va le remettre. Oh putain. Oh non, c'était une horreur. Je l'ai vu une fois, ça m'a... C'est bon, j'ai eu ma dose là, c'est bon, 3 heures de Titanic, c'est bon, j'ai fait ma BA pour ma vie là. Bon, il y a un message aussi de Stéphanie qui dit: j'aime bien les musclés, je préfère un mec avec un petit bidou. Ah, j'aime pas les musclés, pardon, tant pour moi, j'avais mal lu. Et Eddie qui dit aussi: Taiga, I'm think about you, quand ça va pas. Ah, je connais pas ce morceau là, tu vois. Ah oui, d'accord, okay, je connais. C'est le nom qui je remettais pas là. Ouais, un petit R&B quoi. Petit R&B, ouais. T'écoutes quoi toi, Cathy, là, quand t'es en mode déprime? Oh là, moi c'est, enfin moi, vu mon âge, mais moi j'adore Albano et Romina. Quoi? Ah ouais, non mais c'est vrai, hein, j'ai 38 ans, mais bon. Non mais alors, moi, peu importe. Donc, alors mais c'est quoi que t'écoutes? Albano et Romina. Et le titre, c'est quoi? Liberta. Ah ouais, c'est bon, je l'ai. Albano et Romina. On dirait quoi? Sachi Rominet. Attends, vas-y, mets. Non. Ah, mais moi, j'adore cette chanson. Attends. Ah ouais, non, c'est du lourd, hein. Alors déjà, j'espère que vous entendez l'effet stéréo au début, là. Alors, un côté à droite, un coup à gauche. Ah non, il n'y a que à droite, en fait. Ah non, mais c'est... Mais c'est quoi cette chanson-là? Non, mais c'est... Ça casse les goûts après, hein. Bon, ça marche que d'un côté, t'as pas un autre son? Ah ouais, mais c'est un truc en italien. Je pensais que j'étais devenu sourd. Ah voilà. Non mais la meuf est bonne, mais par contre lui on dirait un vieil acteur porno, quoi. Bah mets un peu plus loin Tof là quand. Albano et Romina. Oh putain, non mais t'es sérieuse Cathy là? Non mais la musique, hein. Ah ouais, non mais... Oh là là. Après ouais, c'est ça qui goût, c'est... Ouais, ah ouais, c'est... encore tu m'aurais dit ça. Bon ok, ouais, pourquoi pas California. Voilà, ou tu m'aurais dit ça aussi. Là, je te dis d'accord. Ah je me fous la honte en fait avec cette musique. Ah ouais, là, complètement, ouais. Ouais. On n'osait pas te le dire, mais... Raté, ouais. Ouais, tu m'aurais dit ça dès le début, voilà, tu vois, ça met dans l'ambiance, quoi. Ouais. Voilà. Ou tu m'aurais dit... Moi, je déprime, hein, quand je l'écoute, hein, quand je suis pas bien, ça me fait déprimer. Ah ouais, carrément ? Ah ouais, bah oui. D'accord. Bon, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Personne m'avait dit, tiens, Metallica avec Nothing Else Matters. Ah, moi, je te l'aurais dit, tu m'avais demandé. Bah ouais, mais moi aussi, je l'aurais dit, évidemment. Bon, on va faire la suite, m'attendu, je t'emmerde, Cathy ouais, et Marie. Oui. Oui. Vous êtes prêtes? Alors pour l'instant c'est serré. Hein. On peut redire la même chose qu'on a dit. Oui si tu veux, oui après. Ouais. Oui si tu veux. Ouais. Voilà. Si tu veux. Bon, on va y aller. Cathy a fait 5, Marie a fait 6. C'est donc Marie qui va prendre le relais maintenant et qui va commencer cette deuxième partie. On y va, le principe toujours le même, on appelle des gens au hasard, il faut arriver à placer un maximum de je t'emmerde dans une phrase cohérente, enfin dans une conversation cohérente, d'accord ? D'accord, ouais. Allez, c'est parti, vas-y Marie, c'est à ton tour, dès qu'il n'y a plus de musique en dessous de toi là, bah tu dis allô. Allez. Il y aura Jérém le retour avec ses petites couilles, et Adrien également qui devait réagir. Petite couille. Allez, on y croit là. On y croit, mais on va faire un autre numéro. C'est pas grave, on appelle un deuxième, Marie, pas de problème. Allez, sois concentrée. Allez. Allô ? Allô ? Oui, c'est quoi cette histoire comme quoi avec mon copain comme ça tu le fais? Tu crois quoi? Franchement, je t'emmerde. T'es vraiment une femme. T'as fait erreur et tu me ramènes pas ton numéro. J'ai chopé ton numéro, je t'emmerde. Mais allô. Mais allô, elle est partie, voilà. Eh ouais, mais allô, elle est partie. En tout cas, bravo Marie, t'as pas choisi le côté facilité. Oui. C'est vrai. Non, c'est, t'as choisi le côté un peu plus ouvert, c'est bien. Combien je t'emmerde? Deux, oui, oh là là, c'est pas terrible. Bon, bah on va quand même garder le meilleur des deux scores, hein, Marie. Hein, donc on va garder 6. Cathy ? Oui. À ton tour. Ouais. Vas-tu choisir la facilité du j'ai reçu un courrier, j'ai reçu un SMS, machin ? Ou vas-tu tenter de faire le côté un peu plus original et peut-être un peu plus dangereux comme Marie ? On verra, libre à toi en tout cas. Cathy, il faut faire mieux que 6. En gros, il faut faire 7, hein, parce que si tu fais 6, on n'est pas plus avancé. Ouais, ouais. Il faut ouais. faire 7, je t'emmerde, avant de te faire raccrocher au nez. C'est parti, ouais, on y va, allez. On appelle. Bonne chance quand même, Cathy. Merci. Allez. Allez. Et dès qu'il n'y a plus de musique, tu dis allô. D'accord. Allô. Allô. Allô, bonsoir, je m'excuse de vous déranger, je vous appelle... En fait, hier, j'ai reçu un SMS de votre part où vous me disiez « je t'emmerde, tous les jours je t'emmerde, de toute manière je t'emmerde, c'est vous ?» Hop là ! Je pense que vous n'avez pas choisi le meilleur scénario possible. Non, est-ce bah que ouais, je... non. Est-ce que non. je garde le dernier « je t'emmerde » Non, non, on l'avait raccroché. Dévalidé. Ça fait 2-2 alors. Ah, ça fait 2, de toute façon ça sert à rien, t'aurais fait 3 que ça aurait pas changé grand chose au final. Non, c'est vrai, mais bon. C'est vrai. Bon, et ben, à l'aller, 6 pour Marie. 5 pour Cathy. Ouais. Au match retour, 2 pour Marie et 2 pour Cathy. Marie, bravo à toi. Ouais, ouais, ouais. Ah, je suis contente. Eh ben voilà, tu vas être toute belle avec des dessous sexy, Marie. Oui. Les dessous d'eau au bad d'une valeur de 100€ offert par mesdessous.fr. Évidemment, combien évidemment. Mesure, Marie je ne sais pas combien mesure Marie. 1m57. Combien pèse Marie? 60 kilos. Quel est le tour de poitrine de Marie? 95D. Ah, D comme Denise alors? Oui. Et ah ouais. La taille du dernier pantalon de Marie? 38. Et elle le sera encore plus avec les sous-vêtements au bas de la boîte My Crazy Collection. Bah oui, non, là, j'en connais un qui va s'amuser. Hein. Ah oui, oui, oui. Mais t'es maquée ou pas, toi, Marie, dis-moi. Ouais, elle a pas de mec. Ah non, bah non, elle est pas maquée. Hein. T'as pas de mec, Marie? Non. Mais je te les apporte personnellement, j'arrive. Mais oui, à Montpellier avec l'autolib, tu vas être bien, tiens. Bah, mais ça va, j'ai remarqué, ça tenait pas trop mal en fait l'autolib. Hein. Ouais, mais enfin, pas pour aller à Montpellier. Hein. Je dois pouvoir faire 200 km, il y en a et combien? Il l'a déjà fait cet enfoiré. Ouais, bien il y en a sûr. Combien jusqu'à Montpellier? Il y en a 800. Ouais, mais tu remontes bah, en 4 jours, je peux le faire. Ouais, bah, et tu recharges comment? Avec des panneaux solaires? Mais non, mais tu mets sur une prise normale. Ah, d'accord, ok. L'autre en a marre pour 6 000€ de recharge. Ouais, c'est clair. Ouais. Pour un tocard. Bon, Cathy, malheureusement, c'est perdu. Je te fais quand même des gros bisous. Merci beaucoup, bonne soirée. T'embrasse, salut merci. À vous. Allez, ciao à vous deux, on rejouera évidemment la semaine prochaine. Oui, qu'est-ce qui se passe, Cathy? Oui, non, c'est Marie. Ah, qu'est-ce qui se passe, Marie? Est-ce que je peux faire une dédicace? Allez, vas-y, en speed là, hop là, choisis la bonne à une seule personne. Lorena Inès, elle m'écoute et voilà, elle est queen. D'accord, voilà. Ok, eh ben, le message est passé. Gros bisous, Marie. Salut, on va revenir avec Jérémy dans un instant. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mikael, no limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on écoute le son de Fightboy Slim maintenant sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde, c'est Mikael No Limit. Le son de Fightboy Slim à l'instant sur Fun Radio. Dans une autre dimension, Mikael est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster et Sandro un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mikael, ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Ouais, on est en direct sur Fun Radio là tous les soirs 23h 2h et le dimanche également de 20h à minuit. Il y a Gravity qui dit moi perso quand je suis triste j'écoute Impossible de James Arthur. Bon oui ça c'est du lourd aussi ça en termes de déprime. Tu l'as là ou on l'a ou non, pas là? Impossible j'ai pas. J'ai ah, Passengers merde. Si tu veux en attendre. Ah bah non. Ah mais Passengers ouais on en avait parlé tout à l'heure ça tu l'as c'est là? Home. Ah oui, bah je suis. Only bah oui. Know you love her when you let her go. Whoa. And you let her go. Non, elle est bien celle-là, c'est vrai qu'elle est bien. Alors, elle en mode déprime, elle est pas mal. Hein. Donc, je pense qu'en mode déprime, tu peux te mettre une balle, je pense facilement là. Il y a Brian Adams aussi en mode déprime qui ouais. Est pas mal. Staring at the bottom of your glass. Non, elle est pas mal, elle est pas mal. Bon, alors il y en a d'autres aussi. Moi, quand je suis en déprime, c'est Fatima qui dit Compagnie Créole oblige. Alors, vous êtes sérieux là? Et Njul Piu qui dit Only You d'Elvis Presley pour la déprime, c'est pas mal. Non, pour la déprime, parce que c'est Elvis Presley. Je pense qu'il y a un moment, faut quand même pas déconner quoi. Alors, attends, parce qu'on change. Hop. Ah, vas-y, change là, attention. Only. Oh. Voilà. C'est les Platters à la base. Hein, ouais, pas... à la place, ouais. Ouais, et puis il y avait Marie aussi, Marie-Laure qui dit Backstreet Boys avec Incomplete quand je déprime. Bah, moi ça me fait déprimer aussi les Backstreet Boys. Il y a DJ FL qui dit putain 130 cm de tour de Mich, c'est plus que ma mère. C'est clair. Et le prince Nadia qui dit mais le mec est juste dingue, on s'en fout de ses muscles, pense à ta santé avant tout. Je suis assez d'accord. Bon, on va terminer justement avec Jérémy qui est toujours avec nous de Marseille et qui avait pris trop de cachetons pour devenir musclé. Du coup, bah il bande plus, sauf avec du Viagra, il a des couilles qui sont devenues toutes petites, voire même quasiment inexistante. Et puis bah, surtout l'autre problème c'est qu'il a des nimards. Il y a Adrien également d'Auxerre là. Adrien t'es là? Ouais je suis là, Bon parfait. Alors Adrien, toi tu voulais réagir à Jérém? Bah non, c'est aux femmes musclées moi. C'est au quoi? Ce qu'on pensait des femmes musclées. Ah oui non mais bon dans le délire de Jérém parce que c'est lui qui avait lancé ouais. Le débat ouais. Bon ouais. Alors toi justement les femmes musclées t'aimes bien t'aimes pas? Bah en fait j'ai voulu tester l'histoire d'un soir quoi, avec une fille avec qui je fais de la muscule et en fait quand on l'a fait deux choses d'une, la première je me suis rendu compte qu'elle était beaucoup plus musclée que moi. Ouais ça t'a choqué. Ouais. Voilà. Et de deux en fait j'ai l'impression que je niquais avec un mec quoi parce qu'elle a plus d'abdos que moi mais quelque chose de dingue quoi. Ah ouais donc c'est elle qui t'a mis par terre et tout ça quoi. C'est un peu dégueulasse quoi, tu t'imagines, tu ressens genre les tablettes de chocolat en fait sur toi. Ah ouais non mais moi j'aimerais pas. Hein. C'est super agréable. Ah non. C'est horrible quoi. Ah non moi j'aimerais pas non plus. Ah non. Ah non. Je suis d'accord avec toi. Bon, hey, Jérém. Ouais, je suis là. Bah, dis donc, t'as déjà été voir un médecin en fait par rapport à ça? Je t'ai pas posé la question. Ouais, j'ai été suivi par un médecin, ouais, pour les prises de sang et tout, j'ai été suivi par un médecin, ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il faisait des prises de sang, bah, lui, il me déconseillait bien sûr de faire ouais. Ça, mais bon, moi j'écoutais comme moi-même et je l'ai fait quand même, quoi. Et donc, du coup, maintenant, t'es retourné voir un médecin depuis que t'as plus de boules? Non, j'ai pas retourné le voir, non. Mais en fait, le truc, c'est qu'il réexige des produits. Pour stopper ça en fait, mais le mec qui me vendait les stéroïdes en fait, il m'a donné des produits en fait, c'était des fakes en fait. C'est des produits que... Ah des placebos? Des placebos en fait, ouais exactement. Oh là là là. Ah putain. Bon, ça revient pas en fait, et là je bosse plus, j'ai plus de couilles, j'ai des tétons et tout, c'est horrible quoi, c'est ignoble, j'ai plus de vie là. Y a Toff qui veut savoir si tu pouvais faire une brûlette espagnole. Non, c'est un enculé de lui, c'est un enculé. Oh t'inquiète pas, il le sait déjà. Attends, j'ai même ça. Allez vous faire foutre, je fais des têtes de con. Et j'ai même encore voilà. Mieux. Je vais venir, je vais t'enculer ta race de merde, je vais t'enterrer, je vais te mettre ma bite sur la tête, je vais te couper ta croissance toi. Voilà. Et enculé de parisien aussi, enculé de parisien. Hein. Attends une seconde, parce que celui-là, je le mets pas souvent. Attends, Toff, il est pas parisien. Toff, il est pas parisien. Bon, même s'il y habite, après, c'est un autre problème ça. Mais non, il l'est pas. Oh, je l'ai plus, le enculé de parisien, il est où? Je parie que c'est Polo qui était l'enlevé de la machine. Ah, pas du tout, non. Bah, pourtant, j'aurais pu croire. Bon, bah tant pis, je l'ai plus, celui-là, le parisien. Bon, c'est pas grave. Bon, écoute, Jérém, va quand même voir un autre médecin. Si tu veux, éventuellement, on peut te filer les coordonnées du doc pour qu'il puisse éventuellement. J'appellerai le doc, ouais. J'appellerai le doc, ouais. Bah, ouais, comme ouais. Ça, moi, il pourra te donner des produits. Bon, ouais. on va filer ton numéro à Lilou, de toute façon, comme ça, elle va gérer ça. Ouais, c'est cool, merci beaucoup. Bon, bah, écoute, bah, je t'en prie. Une grosse dédicace. Bon, bah, écoute, alors, vas-y, alors. Allez, on fera un petit micro-PD. Alors dédicace à Doliche, à Canette, à Nash, à Victor de Belfort et à Jo Lamas. Jo Lamas. D'accord. Et qui est Jo Lamas? C'est pareil, c'est un dopé comme moi, il est pareil que moi. C'est pour ça qu'il s'appelle Lamas. Voilà, et lui non plus il a plus de couilles. Lui non plus il a plus de couilles, ouais. Oh, d'accord, ok. Bon alors très bien. Allez, pour toi je l'ai retrouvé. Oh, pédé de Parisien. Voilà. Pédé de Parisien. Allez, salut Adrien, salut Jérém, merci de passer tous les deux. À bientôt. Ouais, Adrien. Michael, je peux passer un message? Ah bah vas-y. En fait c'était pour le coup de la chanson qu'on écoute quand on s'est fait larguer. Ouais, alors c'est quoi toi que t'écoutes? Moi en fait, la dernière fois que je me suis fait larguer c'était au mois de novembre et en fait je vous ai écouté vous. Et du coup, je me suis bien fendu la gueule, quoi. Donc, je suis passé tout seul. Ah, bon, bah, voilà. D'accord. Alors, et tu t'es fait larguer comment, Adrien, toi? Par message, en fait. Oh là là. Y'a rien de pire. Ah, ouais, c'est clair. Qu'est-ce qu'elle a mis, quoi, dans le message? Ouais, les trucs de gonzesse, quoi. Genre. Enculé, ouais, t'as mis non? C'est moi. Non, c'est pas toi, c'est moi. Je te mérite pas, t'es trop bien pour moi. Voilà. Oh la honte. Oh la honte. Je suis parti au boulot, j'ai allumé la radio en fait, et c'était Mickaël à 22h30, 23h, là j'écoutais, et en fait je me suis fendu la gueule avec toutes vos blagues. Oh bah c'est bizarre ça. Et du coup en fait c'est passé. C'est passé crème. Eh ben voilà, et ben tant mieux si on a réussi à te sortir de là, sortir de ta déprime. Bon bah tu reviens quand tu veux Adrien, en tout cas merci d'écouter Fun. À bientôt. Salut Adrien, n'oublie pas d'ailleurs de prévenir vos potes hein, qui ont fait un truc à écouter le soir. Et c'est sur Fun Radio que ça se passe de 23h à 2h tous les soirs et puis le dimanche de 20h à minuit. Oui, on va parler des teubés de la télé également. Ah bah oui, dis donc, c'est dans Enquête d'Action, il y a des policiers qui ont eu une petite surprise après avoir arrêté un cambrioleur. Les suspects sont interpellés, mais un événement imprévu va compliquer le voyage. Ça pue grave. Au moment de l'interpellation, l'un des voleurs n'a pas pu se retenir. Il s'est déféqué dessus. Je sais pas, mais ouais, apparemment c'est le cas là. Voilà, je sais pas comment on va faire. Merci pour le cadeau les mecs. Ah, il s'est chié dessus là, le mec, il s'est chié dessus. Alors sur la chaîne d'en face, dans 90 minutes enquête, il y a un idiot qui nous explique à quoi servent les freins de son scooter. Vous êtes conscient du danger, alors c'est ça? Ouais, je suis entièrement conscient du danger. Non, c'est pas que j'ai vu ça, je préfère faire en toute sécurité, mais moi, par exemple, moi j'ai pas de freins. Après, ça sert à rien. Ça sert à rien, les freins. Les freins, c'est pour les lâches. Oh le rire de con à la fin là, le rire de con à la fin. Ouais. C'est pour les lâches. Ouais. Et chez Giuseppe, le client est roi dans son restaurant. La preuve. C'est comment? On l'a offert. Vous dites que c'est bon, c'est fini. Je vais vomir. Ça c'est tiramisu du centre commercial. Voilà. Il n'est pas fait maison. Donc maintenant ça vous convient, c'est bien. Ça vous convient pas, c'est pareil. On s'en va parce que là j'en ai marre. Donc, je comprends pas. C'est pas vous qui partez, monsieur. C'est moi qui vous sors. Et voilà. Au moins comme ça les choses sont dites. Il n'y a pas de problème. Ah ouais, ça donne envie d'aller manger dans son restaurant. Voilà, c'est comme ça, c'est fait. Il y a un moment, faut quand même pas déconner. Qui est le patron, je veux dire. Bon, on va se faire dans quelques minutes le karaopé si vous voulez participer. Là aussi j'ai des packs Obad à vous offrir hein, d'une valeur de 100€. Si vous êtes bon, on cherche deux garçons et deux filles. Si vous voulez jouer avec nous, 01 42 48 5000, appelez le 100 bar. Ou pour la Belgique, le 02 851 4x0. Le principe du karaopé est relativement simple. Il faut découvrir qui que chante. Bah non, mais c'est des chansons remixées à base de paix. Alors par exemple, la semaine dernière, c'était Dubs. Voilà. Ah, ça c'est Dubs avec Tsunami, tout le monde connaît. Eh bien, il fallait découvrir cette chanson, mais en vous passant ça. Ah, vous avez vu, c'est facile. Alors, on avait aussi Eminem et Rihanna. Eminem et Rihanna avec Monster. Et la version paix, c'était ça. Et enfin, pour terminer, il y avait ça. Ah, Britney Spears, hein. Avec Oops, I Did Again. Et la version paix, c'était ça. Voilà, donc si vous voulez jouer avec nous, eh ben vous êtes les bienvenus. Vous m'appelez maintenant 01 42 48 5000 pour la Belgique, le 02 851 4x0. On cherche deux garçons et deux filles pour jouer avec nous. Et on va filer également le pack maintenant, le pack au bas, donc avec les sous-vêtements. C'est le petit pack qu'on vous offre grâce à mesdessous.fr, évidemment. Ah, eh ben on l'offre pas. Attends, on va laisser un message quand même. Ah bah Nadia, c'est dommage. Ah, il n'y a plus de message. Allô Nadia ? Merci de laisser un message après le bip. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Salut Nadia, c'est Mickaël, t'étais en direct sur Fun Radio, on t'appelait pour que tu puisses repartir avec le pack Oba My Crazy Collection offert par Mesdessous.fr. Et ben là ce ne sera pas offert par Mesdessous.fr. Puisque tu n'as pas décroché, c'est dommage. Et donc tu iras les acheter toi-même sur mesdessous.fr. Voilà, et si tu mets le code FUN2014, la livraison gratuite. Ta livraison gratuite, voilà, c'est ça. Donc tu peux y aller si tu veux, il n'y a pas de problème. Bon, ben tant pis, Nadia, je te fais des gros bisous quand même. Puis à bientôt, on aura Hélène aussi dans quelques minutes. Salut Hélène. Salut. Comment ça va, Hélène? Ah, très très bien. Bon, dis-moi Hélène, qu'est-ce que t'écoutes quand t'es triste et quand tu te fais larguer? Pas grand chose, parce que ça fait 2 ans, bien, ça va faire 2 ans que je suis avec mon mari et 2 mois que je suis mariée, donc je me suis pas encore fait larguer depuis. Ouais, mais tu t'es fait de larguer avant, à un moment ou à l'autre, non? Non, moi on me largue pas. Ouais, non. C'est ça. Jamais largué. Hélène? Ah bah voilà, on vient de la larguer. Non, il n'y a pas de souci, je préfère juste moi faire en sorte qu'on me largue plutôt que faire du mal en larguant en fait. Oh, minou alors. Qu'est-ce qu'elle est gentille. Je suis pas tendre pour le faire. So sweet, oh so sweet. Bon Hélène, on parle de quoi dans quelques minutes avec toi? Eh bah disons que voilà, donc ma situation actuelle, mariée, une petite fille de 14 mois et enceinte là de 7 mois. Oh là là, ah ouais, t'enchaînes toi hein. Ah bah les deux. Ouais. Les deux ont été très rapides, donc le problème là alors qu'il est, c'est comment faire vivre à mon mari une Saint-Valentin, sachant que je suis alitée à risque de toucher très naturellement. La Saint-Valentin. Oh le pauvre. Oh mon Dieu. Oh là là. L'angoisse. On en parle dans un instant. Reste là. Tous les soirs sur Fun Radio. Prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël. No limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on va se faire le son de cache-cache maintenant sur Fun Radio avec Take Me Home. Le karaopé va débarquer dans quelques minutes. On va faire d'autres appels avec Toff également sur Fun Radio ce soir. C'est Mickaël No Limites. Bienvenue si vous arrivez. C'est sur Fun Radio de 23h à 2h et cache-cache c'est Take Me Home. Elle va te faire enculer au clochard. Fun Radio. Mickaël, nos limites, nos limites. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, minuit 18. Là, il y a Maeva depuis l'application Mickaël, nos limites que vous pouvez télécharger gratos sur le sur iTunes, hein, tout simplement, sur l'Apple Store. Tapez Mickaël, nos limites et c'est gratuit. Vous pouvez écouter l'émission, écouter Fun d'ailleurs, H24. Participer à l'émission et être au courant de tout ce qui se passe dans l'émission, y compris écouter les podcasts. Maeva qui dit, moi, quand je suis triste, j'écoute Dans mes rêves de Jenali. Ouf. Ça, c'est l'air dur, ça, Dans mes rêves de Jenali. Tu l'as, Toff, ou pas, là? C'est Toff qui s'occupe des musiques de merde, attention. Alors? Ah. Oh, quelle horreur. Je déteste ce style de musique. Ah, je pourrais pas écouter, Maeva. Ah, je peux pas. C'est le style de musique que je déteste. Cette espèce de R&B français merdique, là. Enfin, bon, c'est mon avis. Willy qui dit, moi, c'est 1973 de James Blunt pour ma déprime du moment. Oui, effectivement, ouais. Oh, ça va, c'est pas la pire, hein. Enfin, c'est pas la plus déprimante, je veux dire. Moi, la chanson que j'écoute quand je suis triste, c'est Battlefield de Léa Michel. C'est Mallory qui avait envoyé le message. Attends, là aussi, celle-là. Elle est où? Hop là. Elle est là. Elle est là. Oui, effectivement, c'est pas la chanson la plus joyeuse du monde, hein, ça, c'est... Qu'est-ce qu'elle est bonne, Léa Michel. Oui, elle est bonne, mais bon, c'est pas la chanson la plus violente, ça c'est sûr. Il y a Romain qui dit, ça fait super bizarre, hein, ce mec super baraqué avec des petites couilles, c'est sûr, ouais, c'est clair. Et Stéphanie qui dit, quand je suis triste, j'écoute Icar ou Saez. Margot qui dit, pour me remettre d'un chagrin, j'écoute Fun Radio. Mais c'est encore le meilleur plan au final, hein. T'es sûr que t'auras pas des musiques qui vont t'endormir. Il y a Cindy qui dit, je vous remercie énormément, je vous kiffe tous les soirs maintenant. C'est Cindy, gros bisous et merci Cindy. Maeva qui dit, moi je suis chez moi toute seule, j'ai peur, appelle-moi Maeva. Monsieur Rien, qu'est-ce que tu veux qui t'arrive, Maeva? C'est la Saint-Valentin. Maeva a peur. Je t'ai juste la musique, tu sais. Et là, tout d'un coup, que se passe-t-il? Quelqu'un frappe à la porte, Maeva. Ouh. Et que Que peut-il se passer? Ouvre la porte! Ouvre la porte! Faut ouvrir la porte, Maëva. Ouvre, Maëva! Ouvre la porte. Et avec toi, Maëva. Il y a quelqu'un qui veut te parler. Christophe est là aussi. Je suis nu sous mon impet. Maëva! Ah, le téléphone sonne. Maëva! Et là, pendant que tu ouvres la porte, je suis sous ton lit. Le connard qui va gueuler derrière là. Oh, écoute, on fait ce qu'on peut. Bon, Maëva, j'espère qu'on t'a pas fait trop peur. Let's be free, ce qu'il dit, vous êtes là pour Mystique et pas pour les autres. Bah, ok, je m'en vais. Pour Mystique et pas pour les autres, j'ai pas compris. Let's be freaks. Parce qu'on a salué Mystique et oh là là, let's be freaks, t'inquiète pas, on t'enverra Toff sur un plateau, un de ces quatre. Avec Maxime, une pomme qui dit... comme un cochon dans la bouche. Et avec un bâton dans le cul. Un bâton dans le cul afin que tu puisses rôtir ce voilà. Porc. Maxime qui dit coucou l'équipe, je vous adore, serait-il possible pour vous de m'envoyer une photo dédicacée, ce serait super. Oui, il faut les envoyer à sandro@funradio.fr pour les demandes. Et Alexo qui dit en mode déprime du Skrillex ou du bon Knife Party, ça te remet tout de suite de bonne humeur. Oui, ça c'est une certitude en effet. Et Malone qui dit arrêtez la peau, vous allez la faire flipper. Je ne vois pas de quoi tu parles, mais pas du tout, du tout, du tout. Bon, on va faire le karaopé dans quelques minutes. Restez là, il y a Victoria, il y a Anthony, il y a Johan qui vont jouer. Il y aura Mélissa également. Et puis avant de prendre Hélène, on a Mathieu. Ah putain, Mathieu quand même. Il est jamais trop tard, mec. Mathieu, pour ceux qui étaient avec nous hier, Mathieu qui était sur Twitter et qui avait demandé qu'on passe Baby Bash avec Suga Suga parce qu'il était barman et qu'il avait vu une meuf qui lui avait dit ouais écoute on va mettre ma Suga Suga etc. T'étais sur le point de la pécho quoi. Oui. Bon. Ouais, eh ben, t'as... Ah bah nickel, grâce à nous ou pas, parce que finalement on l'a mis le Baby Bash hein. Ouais, c'était un peu tard, mais bon, j'ai quand même mis, c'est un peu grave. Ah bah oui, mais en même temps, c'est un peu tard, c'est un peu tard. Pendant toute l'émission, j'ai demandé à ce que tu nous appelles. Et ouais, je me suis fait choper par mon boss, et il a récupéré mon portable, donc du coup, bah... Ah l'enculé. Attends, en arrivant, mauvaise nouvelle, aussi troisième investissement, donc du coup, j'ai perdu mon boulot. Oh merde. Bon, au moins, t'as eu la meuf. Bah oh, oui. C'était un bon coup, pas? Ouais, ça valait le coup, pas? Ouais, ça va, ça vaut le coup. Bon, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Bon, du coup, t'es un barman sans bar. Voilà. Ah la galère. Ouais mais c'est pas grave, il pourra faire des cocktails à sa nouvelle meuf. Ouais ouais bah oui. T'es avec elle ou non, c'est juste un one shot? Non là c'était juste un one shot, après on va voir ce que ça va donner. De toute façon je laisse passer la Saint-Valentin. Eh ouais, tant qu'à faire, en plus t'as plus de travail, donc autant ne pas perdre d'argent quoi. Bah oui. Quel enfoiré. Non il a raison, parce qu'après il dépense de l'argent, il a rien derrière, il aura tout perdu, son job et en plus la meuf. Mais oui, évidemment, ce serait dommage. Bon, eh bah Mathieu, c'est dommage, t'es à Cannes, si t'étais pas loin de la radio, je t'aurais dit, bah, quitte à plus avoir le taf, autant que tu viennes nous faire des cocktails à la radio. Oh, y'a pas de problème, je monterais bien à Paris pour ça. Hein. Ah bah alors, bah viens alors, pas de problème, hein, tu nous fais des petits cocktails et tout, nous on est friands, hein, enfin surtout moi. Bah ouais, des petits mojitos. Bah voilà, et pour Polo, ce sera un Virgin Mojito. Ouais, avec voilà. Des fraises dedans. Avec des fraises, exactement, ouais. Bah ouais, tu sais comment parler, c'est bien. Eh bah pas de problème, Mathieu, quand tu veux. Et puis quand on les rendra dans le sud vers l'été, là, hop, on passera te voir. D'ici là, j'espère que t'auras un autre taf. Ouais, normalement c'est bon, y'a pas de problème. Bon, et puis si vous. Bon. Tranquille. Bah oui, et si vous êtes dans le coin de Cannes et que vous cherchez un barman qui a tendance à draguer les clientes, c'est vrai. Mais bon. Ouais, mais ça les fait revenir, donc. Mais final, ça les fait. Voilà, ça les fait revenir, ça fait du chiffre. Voilà, mais oui, ça fait du chiffre, donc appelez-nous et puis on vous donnera le numéro de Mathieu. Bon, bah écoute, bah bon courage, Mathieu. Bah merci. Hein. Et bonne bourre. Bah merci, bonne continuation. Eh bah ouais. Salut Mathieu, ciao à toi. Salut, ciao. Bon, Hélène est avec nous maintenant là de Malakoff. Hélène qui nous appelle parce que c'est bientôt la Saint-Valentin, ça c'est une certitude, on peut pas passer à côté. C'est ça. Côté maman d'une petite fille d'un an et demi. 14 mois. Oui, bon, on n'est pas dans le détail. Hein. C'est, à quel moment tu comptes parce qu'au début, tu comptes en jours, puis en semaines. Elle a 8 semaines, elle a 10 semaines, elle a 12, elle a 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 14 mois. Ouais, à partir de quand tu comptes en années comme elle tout le monde? 20 mois, oh la pauvre. Sachant que le jour où j'ai rencontré à l'époque mon copain, le jour de salut, ça va sur Internet, on habitait ensemble. Donc en même temps, je compte plus en mois maintenant. Ça on comprend pas. J'ai pas compris le rapport. On parle de l'enfant. Ah oui, je parle du bébé. Hein. Parce que le bébé, en fait, est né tout de suite après. Donc j'arrête pas de compter que en mois, en fait. Attends, à peine rencontré et il t'a engrossé. 4 mois plus tard, oui. Ah, bah. Ah ouais, putain, vous avez pas perdu de temps. Après rencontrer déjà fourré. Ah ouais, vous avez pas perdu de temps du tout, vous, hein. Non, pas du tout. Effectivement. Il te bourre et puis hop, ça y est, hop. Et puis ça y est. Il bourre le canon. C'est tard, ma deuxième, hein. Ah ouais, bah alors vous avez vraiment pas perdu de temps. Hein. Bon, et donc du coup, tu veux savoir comment lui faire passer une excellente Saint-Valentin alors que quoi ? Je suis alitée en fait. Oui, il te reste moins de 2 mois avant de d'accoucher. 5 semaines, je suis en menace d'accouchement prématuré, maximum 5 semaines. Moi, j'ai un truc pour le faire kiffer. C'est ce que tu lui offres ? Tu lui offres une pute. Il veut pas. Bah, un strip, au plus ou moins un strip. Bah, un striptease. Je rigole. Il veut pas. J'ai honte. Est-ce que je peux avoir une gifle dans ma gueule? Ah bah complètement. Ouais. Connard. Merci. Voilà. Bon, alors on va essayer de réfléchir. Qu'est-ce que tu peux lui offrir? Ouais, une gogo danseuse. Bah, j'ai essayé tout ce qui était fixe, ça, il veut pas. Ou alors tu payes Apollo et à lui, hop, une nuit dans un bar à strip. Avec plaisir, je prends, je l'emmène, hop, hein. Petite barre de pole dance. Je sais pas s'il va être preneur, mais bon. Au pire, Polo est preneur, lui. Moi, voilà. Je vais kiffer, ouais. C'est mon endroit préféré. Ah, ouais, c'est clairement. Le seul endroit où les filles m'aiment. Non, je sais pas, moi. Qu'est-ce que tu pourrais faire comme plaisir à ton mec Ah ouais, je sais pas. Sinon, je vous appellerai pas pour ça. Ouais, non, mais je sais. Mais attends, on est en train de réfléchir à voix haute, là. Qu'est-ce qu'on peut faire comme cadeau? Un aspirateur. Sachant que je peux pas bouger, je peux rien faire. Ah ouais. Ah, eh ben, écoute, il y a un truc vachement bien. Ça s'appelle un DVD. Non, c'est pas à toi de faire un cadeau, c'est à lui. Surtout que toi, effectivement, tu peux pas bouger tout ça. Bah ouais. Pourquoi c'est pas lui qui te fait le cadeau? Bah parce qu'il m'a offert les 2 plus beaux cadeaux de ma vie, mes enfants. Ouais, si tu parles, il s'est pas fait chier, le mec. Il a mis 3 gouttes de foutre. Et c'est ça, et lui, hein, il a mis la petite semence et puis après il est parti. Hein. Vous avez la différence de classe entre Polo et moi. Hein. Voilà. Et donc, ouais, non, mais d'accord, ok, les plus beaux cadeaux et tout. Mais si ça se trouve, t'es en train de te prendre la tête pour rien et il va te préparer un petit cadeau derrière, là. Mike, juste, ouais. Je peux vous couper? Ouais. Il y a le troisième niveau, là, la crédité, là. On l'a oublié, le crasseux, là. Non, moi, je prends pas part à ça. Dès que ça parle d'aliens et tout, moi, ça m'intéresse pas. Ah, d'aliens, mais qu'est-ce qu'il est con, lui. T'as été un alien aussi, hein, Troduc. Oui, peut-être. Bah oui. Bon, dites-nous, les filles, si vous avez des idées, tiens. Bah, il y a Mélissa qui était là pour le caropet, mais c'est pas grave. Il y a Mélissa, t'es là? Ouais, je suis là. Bon, bienvenue Mélissa. Ouais. T'as une idée, toi, de cadeau à faire à un mec pour la Saint-Valentin? Un cadeau à faire? Bah, soit tu lui offres une pote à toi. Une quoi? Une pote à toi. Ah, putain, t'es cool, toi, Mélissa. Ah ouais, t'es rock'n'roll, Mélissa. Hein. C'est, ouais, on va dire ça, mais après, faut que je l'accepte. Ça promet la Saint-Valentin de Mélissa. Ah ouais. Non, mais de toute façon, j'ai perdu mon mec. Hein, donc, ah, non. Mélissa, combien mesures-tu? 1m70. Combien pèses-tu? Pas très lourd, 50 kilos. Parfait. Et il faut manger maintenant, Mélissa. Hein. Ouais, mais je mange beaucoup. Mais, ah, mais il faut manger autre chose que. Enfin bon, bref. Quel est ton tour de poitrine? 90 D. D ou B? D. D comme Denise. Oui. 1m70, 50 kilos et du ouais. D. Ouais, mais attends, attends. Déformé, c'est les tiens ou pas? De quoi? C'est les tiens ou on t'a un peu aidé? C'est les miens, non, c'est les miens depuis la naissance. Ah non, il n'y a pas. Et la taille des pantalons que tu as acheté? Ça va être énorme. 36. Oh, oh là là. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Je fais même un peu de guitare. Ah ouais, mais... Ouais. Et c'est là qu'on dit qu'on est les auditeurs qu'on mérite. Franchement, ouais. Je trouve, tu vois. Voilà, ouais. Physiquement, Mélissa est l'auditrice type de l'émission. Oh. Voilà, tout simplement. Tu sais, juste une question pour des. C'est scientifique, tu peux envoyer une photo à polo@funradio.fr. Bah, c'est ça, ouais. Je le prenne tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Ah, bien sûr. Et d'ailleurs, ouais, Mélissa? Ouais. Est-ce que tu pourras me faire un baiser à la coque, s'il vous plaît? Hein? Non. Je te sucerai le sang et tout, tu verras. Mélissa? Ouais. Oh, tu aimes le sperme? Pas vraiment, non. Ça dépend, tu pourrais pas me toucher un peu de... Oh, c'est dommage, hein. Ouais, moi, comme j'ai branlé 3-4 fois, c'est tout, hein. Bah oui, évidemment. Oh, écoute. Je préférerais avec ta voix, hein, Mickaël. Ah oui, je sais, mais là, c'est gilou, Mélissa, là, on peut rien faire. Hein, ouais, c'est un peu dur, hein. Ah bah oui, je sais, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, c'est... Ouais. C'est gilou, hein. Y a pas de verre au cul, non? Ah bah non, y a pas de verre au cul, là, gilou, évidemment. Moi. Bon, Mélissa, bah, reste avec nous. Y a Victoria également, là. Qu'est-ce que... T'as une idée, Victoria, là, pour un cadeau pour un mec, pour la Saint-Valentin? Ouais. Quoi? Si t'as largué, tu lui fous une grosse tarte dans la gueule. Non mais là il l'a pas largué là, c'est Hélène, elle est, elle est maquillée, mariée, à deux moutards là. Elle l'emmène au restaurant. Non mais elle peut pas bouger restaurant. Parce qu'elle est, enceinte jusqu'aux dents là. Ah voir voir maintenant un peu plus. Hein. Même au-delà, ouais. Bah, livraison, Hélène. Hein. Livraison. T'appelles le chinois, tu fais livraison, tu prends le 17 et le 42. Ouais, non, un traiteur, c'est pas mal. Ouais, t'es bon de toi. Non, mais t'es bon de toi. Oui, ça, c'est une idée aussi, ouais. Donc, Victoria, t'as pas d'idée. Parce que je lui pose la question, elle dit, ouais, j'ai une idée. Bah, si tu la virais, si t'as viré, tu mets une claque dans sa gueule. Ouais, c'est un beau cadeau, c'est effectivement. Bon, Hélène, reste avec nous. Mélissa, Victoria, Anthony et Johan, on va jouer dans quelques minutes au karaopé. Si vous avez des idées pour Hélène, qui cherche une idée de cadeau de Saint-Valentin pour son mec, appelez-nous et on va donner la réponse à la colle de Priscilla. On va faire ça maintenant, tiens. Priscilla, t'es là? Oui, je suis là. Très bien. T'as pas d'idée, toi, de cadeau de Saint-Valentin pour Hélène, non? C'est compliqué là. Bah oui, c'est compliqué, t'as remarqué aussi. Ouais. C'est pas gagné. Non. Bon, allez, c'est pas grave, on va essayer de trouver. En attendant, on appelle le gagnant ou la gagnante pour la colle. Si quelqu'un donne la bonne réponse à ta colle, il gagne, tu perds. Si personne décroche auquel la réponse est mauvaise, tu gagnes. Allô? D'accord. Oui, allô? Oui, allô, bonjour, comment tu t'appelles? Sébastien. Salut Sébastien, il y a Priscilla qui a une colle à te poser là, vas-y Priscilla. Ouais. Je me vis dans mes remplissants. Qui suis-je? Un sablier. Exact. Un sablier ou un tablier? Sablier. Un sablier, oui. Ouais. Eh ben voilà, bonne réponse. Comment tu t'appelles, tu m'as dit? Sébastien, excuse-moi. Sébastien, bravo, le pack au bas d'une valeur de 100€ avec les sous-vêtements pour madame arrivera chez toi bientôt, Sébastien. Oh, excellent. Bravo à toi. Et malheureusement, Priscilla s'est perdue, mais je te fais comme des gros bisous. Merci, moi aussi. Je t'embrasse. Salut, ciao à toi. Salut. Bye. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S. Suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et c'est le son de 2020 qu'on écoute sur Fun Radio, c'est Neon Light, bienvenue. Nos limites. 23h, 2h. Fun. C'est Mickaël, nos limites. Mickaël. On Fun Radio. Oui, on est là également le dimanche soir. Hein, si vous voulez prévenir vos potes, n'hésitez pas. Hein, tous les dimanches soirs sur Fun Radio de 20h à minuit. Et ça y est, on va dans quelques minutes se faire la deuxième édition des Jeux Olympiques. Donc, de Sochi. La première, c'était hier soir. Et la vidéo est disponible sur le Facebook à l'instant. Là, je viens de vous l'uploader. C'est le hier soir avec le curling. Vous pouvez aller voir ça évidemment. facebook.com/MIKL officiel. Partagez évidemment avec vos amis, bien entendu je compte sur vous. C'est disponible aussi sur le Twitter, tapez MIKL_officiel pour me rejoindre. Je vous suivrai également avec plaisir. Mélanie qui a une bonne idée également pour pour Saint-Valentin justement. Mélanie qui proposait une branlette ou une fellation pour la Saint-Valentin du mec d'Hélène. Très bien. Elle ne peut rien faire là. Oui, mais bon, elle peut. Si, elle peut bouger sa tête. Une fellation, c'est possible. Thomas qui dit, moi quand je déprime, j'écoute Nirvana avec Nevermind. Ah, bon choix, Thomas. Kevin aussi qui dit un repas romantique, ça fait toujours plaisir pour notre amie Hélène. Et Malone qui dit, oh, elle est trop mignonne, il m'a offert les plus beaux cadeaux de ma vie, j'adore. Oh, que c'est ringard. Et Jean-Philippe sur l'application Mickaël No Limit qui dit, moi, quand je me fais larguer, j'écoute du Marilyn Manson. Ah, et ça dépend laquelle, évidemment, mais bon, ça dépend comment tu vis ton délire, ça dépend comment tu vis ta rupture. Voilà, c'est surtout comme ça que ça marche. Bon, Mélissa. Ouais. Mélissa et son 90D. Ah bon, on s'en est... D. D, oui, c'est ça, D comme Denise. Ouais, c'est ça. Voilà, D comme dessin énorme. Voilà. Bon, Victoria également qui appelle de la Picardie. On était d'ailleurs ce week-end en Picardie, hein, Victoria, t'es pas passé nous voir? Bah, je vous ai pas vu. Ah bah non, mais enfin bon, en même temps, la Picardie, c'est, on était à Compiègne et à Noyon, Victoria. Ah oui, moi je suis Soissons, enfin Crouy-Soissons. Oh là là là là, Victoria. Et genre, c'est une excuse. Hein? Et genre, c'est une excuse. Bah ouais. Ah bah bravo, t'aurais pu venir, t'aurais pu croiser Toff, t'aurais pu mettre une patate dans la gueule. Oh non. Ah si. Voilà, comme ça tu l'aurais mise. On aurait été bien Victoria, mais qu'est-ce que tu veux, tant pis. Bon, il y a Anthony également et Johan, salut les gars. Ouais, salut. Comment ça va Anthony de Nice? Ça va. Bon, comment va Johan de Marseille? Très bien. Allez l'OM. Allez Marseille. Allez Paris. Oui. Eh oui. Bon, Johan et Anthony. Oui. Bon, on va faire deux équipes en l'occurrence, hein. Équipe de filles, équipe de garçons. D'accord Mélissa? Mais non, avec Hugo Rossin. De quoi Anthony? Moi j'étais les avec les gros seins, moi. Avec les gros seins, tu peux pas l'appeler Mélissa, Tony, ouais, là Mélissa, ouais. Mais oui Mélissa, d'accord, Mélissa. Même si il est vrai que, Toff, les mensurations s'il te plaît. Bien sûr, avec plaisir. Donc nous avons 1m57, 60 kilos. Non. 1m70, 50 kilos. Ah pardon, excusez-moi, je me suis trompé de ligne. 1m70, 50 kilos, 90D et 36 de pantalon. Excusez-moi, je t'ai pas sur la bonne ligne. Voilà, ce qu'on appelle également une bimbo. Il est censé être le spécialiste des mensurations et fait de la merde. Il fait de la merde. Dis-moi, t'es blonde ou brune? T'es blonde ou brune, Mélissa? Brune. D'accord. Les yeux? Les yeux marron clair. Marron clair. Ouais, qui écoute plutôt du métal par rapport à d'autres choses. Qui, tes yeux écoutent du métal? Oui, les yeux écoutent du métal. On va s'entendre. Tu sais que j'adore. Nickel, nos limites. Nos limites. C'est tous les. Qu'est-ce qui se passe, Off? Tu t'es emballé là? Excusez-moi. Et l'autre, ça y est, il met les sons maintenant. Je me dis, mais t'as cru que c'était ton émission? J'ai rien envoyé là, qu'est-ce qui s'est passé là? Complètement dingue, putain. Et un coup de pelle. Et je te mets même le lance-femme dans la gueule. Alors, c'est mon doigt qui a glissé. Ouais, qui a glissé, ouais. Elle est où, Grenibar? Grenibar, tu sais qu'on va s'entendre parce que j'aime bien aussi le métal, moi. Voilà, qu'est-ce que t'écoutes, Mélissa? Mon groupe préféré, sérieux, c'est Rage Against the Machine. Oh, après, comme moi. Ah oui, non, c'est bon là. Audioslave. C'est pas du Audioslave, c'est pas du métal, mais c'est bon aussi. Attends, regarde, Mélissa. Tout ça, tu vois. Mélissa, tu peux remuer ton 90D là, c'est cadeau. Alors, tu le remues ou pas là? Carrément. Franchement, ouais. C'est laquelle ta préférée? Ma préférée, c'est Maria. Maria. Ouais, ça s'appelle pas comme ça, je crois. C'est pas Maria, c'est. Non, c'est pas le comme ça. Non, ça n'existe pas. C'est pas le titre, ça fait. Ah Marie. Putain, j'ai oublié. Merde, je vais la retrouver. C'est pas grave. C'est classique là, un petit peu là. Ah bah ouais, Ah bah attends, dis donc, t'es sérieuse, Mélissa, toi non plus, tu te souviens pas du titre? Non. Dis Maria, c'est pas Veria le titre. Maria, elle s'appelle juste Maria. Non. Recherche, tu verras. Ça n'existe pas. Regarde, ça n'existe pas. Il y a pas. Spécialiste de. Il y a Ave Maria de Audioslave. Attendez, excusez-moi, mais il y a un moment, faut quand même pas déconner. Je vais chercher cette chanson parce que genre elle arrive là, elle s'y connaît mieux là. Elle a raison. Elle a raison. Ok. Alors c'est quoi la chanson de Maria? Elle a raison les gars. Attendez. On va essayer. Mais là carrément, le début même. Mais c'est mieux. Attends, on l'a là. Ouais, c'est le début là. Allez. Autant pour moi, je peux dire quand j'ai tort. Mais il y a une chanson aussi des Rage où ça fait Ave Maria, Ave Maria. Non, ça n'a rien à voir, Toff. Non, je sais plus laquelle c'était. Tu parles d'Audioslave, mais je crois pas que c'est Rage Against the Machine. Voilà, d'accord, Mélissa, pas de problème. Ah, mais il n'y a pas de soucis, mais en tout cas, sur Fun, ça manque un peu de. De Rage Against the Machine, ouais, je suis d'accord. Est-ce que t'as vu ce qui a marqué en dessous du logo? Non. Il y a marqué le son. Le son. Dancefloor. Voilà. Eh ben t'as tout dit alors. Ouais. Mais oui, mais voilà, écoute, après, mais c'est pas pour autant que qu'on n'est pas ouvert à tout, t'inquiète pas. En tout cas, c'est à la preuve. La dernière fois vous avez passé du Prodigy, ça le faisait grave. Oh, ça va chauffer là, maintenant j'ai envie d'en remettre un autre ce soir là, bravo. Ah mais sans problème. Bon attends, je vais mettre lequel ce soir là. Attends. Bon, on fait notre merdier, hein, vous inquiétez pas. Hein. Je peux dire quelque chose? Dis-moi. Écoutez du Big Didi, c'est mieux. Du quoi? Big Didi. Big Didi, qu'est-ce que c'est que ça, Big Didi? C'est un ami, il rappe et... Ah oui, c'est un ami, mais oui, mais bon, moi aussi, j'ai mon voisin qui rappe. il est connu, allez voir sur YouTube. Ouais. Bon, bah, on va aller voir Big Didi, ouais. Bon, on va réfléchir pour le son de Prodigy, là, tout à l'heure, avant de partir. Bon, Mélissa, on va peut-être faire le karaopé, là, avec Victoria, Anthony et Johan. Donc, Mélissa, Victoria, vous êtes ensemble, les filles. Anthony et Johan, vous êtes ensemble, les mecs. Le principe est relativement simple. Je vais vous mettre des extraits de musique. À vous de découvrir quelle est la version originale de ce karaopé. Vous êtes prêts? Ok. Ouais. Vous êtes vraiment prêts? Ouais. Allez, je vous mets le premier, c'est parti, écoutez bien. Bon, celui qui a la bonne réponse donne son nom d'abord. Alors? Alors là, je suis pas du tout. Pas d'idée? pas du tout. Aucune idée, je vous le remets. Ils ont gagné, ils sont deux, c'est un duo. C'est chaud. Et ils sont français. C'est chaud là, franchement. Mais non, c'est facile. Ils sont motards. Johnny Hallyday. Ah bah oui, Johnny Hallyday, ils sont deux dans son corps. Eh, t'en la joue, Anthony. Voilà, tout ce que tu mérites. Il y a une fille qui l'a dit, je crois. Il y a une fille qui l'a dit, qui ça l'a dit? Je sais pas, mais il y a une fille qui l'a dit. Ah oui, Victoria, effectivement, les Daft Punk. Ah ouais. Ok, écoute Victoria, carrément. Attends. Hop, je voulais. Il faut être attentif. Hein. Bon, dur, hein. Ah bah oui, bon, 1-0 pour les filles, on y va, deuxième. C'est un morceau qui a 3 ans, ça, et c'est français. Victoria, vas-y. Allez. C'est dur quand même. Mais non, je le remets. Allez, merde, pourquoi il marche pas? Ah, dis donc, même la machine, elle veut plus l'épée. Ah, voilà. Écoutez bien le début. Rien que le début, ça doit vous mettre sur la piste. Écoutez. Mais si. Edith Piaf. Edith Piaf. Anthony, retends la joue. Voilà. Oh là là, Edith Piaf. Bon, c'est français. Ça commence par un K. Non. Je pense qu'Anthony veut proposer Kylie Minogue. Camaro, non, ça commence par un K. Alors écoutez, je vous mets le début de la version originale. Kinvé, bonne réponse. J'ai à moi trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Voilà. Ah oui, Anthony, oui, il est obsédé par ça, lui. Écoutez. Ah ouais, t'aurais dû, ouais. Bon, allez, un partout pour l'instant. On y va, question, enfin, et son suivant. On y va, c'est parti. Alors? Can you repeat? Of course. Allez hop. J'analyse. Alors attention, en général, on dit qu'on est au bout quand on est en fin de sa life, quand on n'en peut plus. Il y a Romain qui a trouvé. Romain sur le Twitter? Ouais, il a trouvé. Ah, très bien. Alors, une idée ou pas? Quand on est par rapport à son nom de famille, quand on n'en peut plus, elle dit, ah, je suis au bout du... Des rouleaux. Rouleau. Et ouais, donc la zone des rouleaux. Ouais, la zone des rouleaux. Bah moi, voilà. Ah, bah en plus. Non mais c'est qui fait les remix, sérieux là? Bah oui. Jason Derulo à l'instant. Bon allez, attention, 2 pour les garçons, 1 pour les filles, on y va, on enchaîne. Son suivant, vous êtes prêts? Ouais. Allez. Il a le même prénom que l'animateur du matin et il vient d'une autre planète. Bruno Mars. Ouais. Nickel. Eh, si je vous ai pas aidé là. Bon, très bien. Et la dernière, attention, pour l'instant c'est deux partout, hein. Celui qui trouve la gagne. Attention, vous êtes prêts? Ouais. C'est du vieux là, c'est du très vieux son, attention. Hein. C'est ce qu'on appelle le gold. Ah, je connais ça. Bah oui. Alors. Bon, je peux vous donner un indice? Eh, hey, coéquipière là, sûr. Ah, je peux donner un indice? Vas-y. Il était gros. Mais Carlos. Big Ali. c'est la version blanche. Ouais. Qu'est-ce que t'as dit, Victoria, tout de suite? Vas-y, dis une connerie. Bah, dis-moi. Vas-y. Coluche. Non, non. T'avais dit quoi, Mélissa, toi? Ah, merde. Il y a eu la bonne réponse, hein, chez les filles. Mélissa, t'as dit quoi, toi? Je crois. J'ai dit Carlos. Ouais. Eh ben voilà. Eh ben bravo les filles. Sur le fil, hein. Eh grave. Eh sur le fil. Mais non, on les a laissé gagner parce qu'elle a des gros seins, Mélissa. Oh l'autre, il est obsédé par les gros nibards. Tout mon cerveau, il est dans mes sens, tu sais. Ah bah alors tu es très intelligente, Mélissa. Bon, eh ben Johan et Anthony, vous n'avez pas été mauvais, vous avez été très mauvais. Vous êtes fait battre par des filles. Allez, exactement. Ah, mais dans des gros nibards, écoute, ça ne peut rien faire. Mais ça n'a rien à voir, il est bête. L'autre, il a à fond dedans. Je jure, comme si elle avait des gros nibards, ça allait l'aider à jouer au karaopé. Non, elle a peut-être son cerveau plus développé que le tien. Voilà. Peut-être. Même si c'est quand même Victoria qui a trouvé les deux titres. Ouais, il faut le savoir. Bon, et ben Anthony et Johan, vous revenez quand vous voulez, à bientôt. Hein. Petite dédicace quand même. Non. Dédicace à deux. Non, tu as été mauvais, voilà. Mais oui, t'as été mauvais. Bon, salut Anthony, de toute façon, la dédicace, tu l'as faite quand même. Salut Anthony. Voilà. Ciao. Salut Johan, ciao à vous. Et puis, Victoria et Mélissa, on va vous piler. On va vous piquer. On va vous filer, un pack au bad également, My Crazy Collection offert par. Medesous.fr. Voilà. Mais bon, Emilie, ça, si t'as besoin d'un coup de main pour attacher le soutien-gorge, n'hésite pas. Hein. Non, oui, mais je suis disponible. C'est bien l'adresse mail hein, pour envoyer ma photo. De quoi tu dis? Polo. L'adresse mail. C'est pour Polo. Envoyer ma photo. P-O-L-O @funradio.fr. Ok, ça roule. Voilà. Et comme d'habitude, okay. Il ne recevra jamais rien de toute façon. On n'entendra pas parler, on ne saura rien. Ouais. Allez, gros bisous, Mélissa, je t'embrasse. Victoria, gros bisous également. Dédicace avant. Salut, ouais, vas-y, moi, Victoria. Moi, je fais une dédicace à tout 60, à mon meilleur ami Guillaume, à Dylan, à Flore. Ouais, c'est tout, Victoria, parce que normalement, c'est déjà une personne, donc tu t'emballes un peu là. Tu t'emballes un petit peu, elle s'emballe un petit peu. Ouais, elle s'emballe un peu. Je les aime fort, il y a mon chéri surtout que j'aime plus que tout le monde. Très bien, mais en plus, ça s'arrête jamais ou jamais. Salut Victoria, gros bisous Mélissa, vous repartez toutes les deux avec le pack. À bientôt, je vous embrasse, ciao à vous. On va revenir avec Marion qui a peut-être une solution à donner à Hélène, tant mieux. Hélène qui nous avait appelé parce que Saint-Valentin, elle est enceinte jusqu'aux dents, elle sait pas quoi offrir à son mari pour lui faire plaisir. On en parle juste après Showtech. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Ouais, on est en direct sur Fun Radio. Il est 1h-10 du mat là. Prévenez vos potes, il se passe enfin un truc à écouter le soir à la radio. Et c'est sur Fun Radio que ça se passe tous les soirs, 23h, 2h du matin. Venez nous rejoindre également sur le Facebook de l'émission. On est plus de 346 000 et on est là seulement depuis 7 mois. Qu'est-ce que ça va donner après un ou deux ans? Et grâce à vous, ça va continuer à augmenter, en tout cas je l'espère. Tapez Mickaël officiel pour nous rejoindre. Sur le Twitter, vous tapez Mickaël _, c'est le petit tiret en bas officiel. Et puis on écoute Showtech, We Like to Party sur Fun. Pendant que certains braquent des tirelires, que d'autres s'inventent des vies, Mickaël, lui, tel un justicier, vous donne la parole. Il est plus gros que nous. Mickaël No Limit, tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio avec plein de messages qui sont arrivés. Il y a Security qui dit le karaopé me fera toujours péter le rire, tant mieux. Il y a un message aussi qui dit ça c'est pour Hélène, je vais lire dans quelques minutes. Secret qui encore qui dit mort de rire la vidéo. Polo traîne un sac à patates qui dégouline. Oui, c'est ce qu'on appelle tof. Pour aller voir, on avait fait hier les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques de Sochi, ouais. Et le saut de chi, bien entendu. Hein. Ouais. Et donc, c'était le curling, la première épreuve. C'était hier soir. On va faire la seconde épreuve dans quelques minutes. Magda qui dit Mickaël est en top tweet encore ce soir. Bravo à tous. Merci. Surtout, bravo à vous. C'est grâce à vous. Nous, on fait pas grand chose dans l'idée. Et puis, Franck qui dit moi en chanson, quand je déprime, c'est Timothy avec One More Try. C'est vieux, mais j'aime bien. Pourquoi pas. On va se mettre aussi un petit prodigy tout à l'heure. Là. Ça m'a chauffé tout à l'heure avec Mélissa. Là. Ça m'a chauffé. Bon, on va faire les appels de Toff également. On est un peu à la bourre. Allons-y. Les appels de Toff, je rappelle que depuis tout à l'heure, on vérifie tout simplement si votre femme ou la femme, en l'occurrence, a envie d'un sextoy. Si elle accepterait de le recevoir. Quoi. Voilà, puisqu'on s'est rendu compte qu'apparemment, 70% des hommes seraient consommateurs de sextoy et qu'ils viendraient, donc, puisque c'est un site qui a fait une étude, qui serait Montpellierin d'âgé de 30 ans et donc il offrirait ça à sa femme. Oui, voilà. C'est ça. Donc on y va, on appelle maintenant grâce au numéro que vous avez envoyé sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. On y va, c'est parti. Et récupération d'Hélène et Marion dans quelques minutes, ainsi que Laura. Que des filles, c'est bien, on est bien ce soir. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, qui est à l'appareil? Oui, Toff à l'appareil. Comment? Toff. C'est qui Toff? Bah c'est moi madame. J'aimerais bien savoir qui vous êtes. Bah je suis Toff, je viens de vous le dire. Non mais vous vous foutez de ma poire ou quoi? Mais pas du tout en fait, je veux juste savoir si ça vous ferait plaisir que votre mari vous offre un sextoy. Vous m'emmerdez! Oh non madame! Con. Oh non! Hey, on rigole pas avec la bonne femme là. Wow. On va la rappeler là, elle a l'air gentille en plus hein. Hein? Tellement agréable en plus oh, là. Oui. Allez hop. Oui, madame, c'est... Allô? Oui, c'est pas très gentil ce que vous me dites, madame. Je n'ai rien à faire avec votre téléphone. Bah si, vous devez me répondre. Allô? Non, elle a raccroché de nouveau. Bon, c'est pas grave. Là. On la rappelle encore un coup. Allez. Oui, madame, c'est pas gentil. Moi, je vous appelle juste pour vous poser une petite question. Vous m'emmerdez. Ah, non, madame, je vous emmerde pas. Je veux juste savoir si ça vous fait plaisir qu'on vous offre un sextoy. J'en ai rien à foutre. Mais enfin madame, un petit sextoy pour vous faire plaisir. Non merde. Bon bah voilà, elle est partie, tant pis. Ah oui, ouais, c'est dommage, bon, je suis triste. Bah oui, moi aussi, mais c'est pas grave. On avait un si bon feeling. Bah oui, avant la fin de l'émission, on appellera encore d'autres personnes là. Donc si vous avez des numéros de téléphone à donner, eh ben vous pouvez le faire, hein, toph@funradio.fr. N'hésitez pas, on a encore des packs au bad à vous offrir. Et puis on va récupérer Hélène. Est-ce que tu es toujours là Hélène? Bien sûr. Tiens, petite question, est-ce que t'as déjà fait des conneries quand t'étais petite? Je pense oui, comme tout gamin, mais pas des grosses à m'en souvenir quoi. D'accord. Non, je voulais savoir si t'avais fait des conneries, bah même les autres, hein, si vous avez fait des conneries quand vous étiez petit, des trucs que vous avez fait parce que bah vous aviez pas conscience du danger ou du fait que ça se fait pas en fait tout simplement. Parce qu'en Norvège, il y a un gamin de 10 ans qui est parti en pleine nuit faire un tour en voiture avec sa petite sœur. Oui, comme gentil, hein. Normal. 18 mois. Et comme il avait pas trop la maîtrise de la voiture, bah il a fini dans le fossé, hein, forcément. Mais attention, mais ouais, il ne s'est pas laissé démonter puisque il a, comme tout bon conducteur, il a appelé l'assistance pour le dépanner. Et puis le dépanneur, bah, il a été un peu surpris en fait, hein. Il a ramené tout le monde à la maison, mais il était quand même très surpris de voir un mec de 10 ans avec sa soeur de 18 mois sur c'est le siège dingue. Passager. Et donc voilà, donc je voulais savoir si vous aussi ça vous était déjà arrivé de faire des trucs comme ça en disant, avec le recul, vous dites, putain, j'ai fait des trucs, mais c'est quand même improbable d'avoir fait des conneries comme ça quoi. Aujourd'hui, ah non, je le referai plus. Ça, non, non ça, c'est, ça t'est pas arrivé. Et toi, Marion? Oui, moi ça m'est arrivé de faire des grosses conneries, mais j'ai pas trop. Enfin ouais, ça m'est déjà arrivé. Bon, un exemple. Un exemple, je fuguais, j'avais 11 ans, je faisais du quoi stop, je partais, j'allais en boîte, je faisais 18 ans, donc je rentrais partout. Enfin voilà. Wow. À 11 ans, tu faisais 18 ans? Oui. Oh, et à 35, t'en fais combien? Ben je fais moins que mon âge maintenant. Ah d'accord. En fait, il y a un moment. C'est-à-dire qu'à un moment, elle a arrêté de vieillir. Ouais, c'est ça. À un moment, ça s'est arrêté. Non, je te garantis que je vieillis, mais physiquement, j'ai gardé le même physique, quoi. D'accord, bah tant mieux. Attends, il y a Laura voilà, aussi qui est avec nous là. 22 ans de Reims. Salut Laura. Salut Mickaël. Comment ça va? Ça va et toi? Bon, très bien. Oui, parfaitement. Laura, t'as déjà fait des conneries toi ou pas quand t'étais petite? Ou même aujourd'hui encore? Hein. Oh oui, sûrement, j'en ai dû en faire. J'en ai fait une qui m'a coûté des points de suture au niveau du crâne. Ah, carrément, ouais. Genre? Genre, j'avais 2 ans et demi, 3 ans, et ma mère m'avait interdit de monter sur le ballon, sauf que je l'ai pas écouté, je montais sur le ballon et je me suis mangé le mur. Ah ben voilà, et toujours écouter ça. Maman. Voilà. D'ailleurs, Toff n'a pas le choix, puisque sinon il se fait taper. Hein. Ah ouais, non, moi je vais à la cave une semaine, hein, si j'écoute pas ma mère. Bah arrête, tu kiffes la cave. C'est surtout vrai. Quand t'auras une croix dedans. Avec... Encore aujourd'hui, hein. Crucifié. Et bien sûr, bah attends, oui. Mais attends, plus ça va, plus en fait elle a de l'emprise. Hein. Non. Eh avant, oui. Quand j'étais gamin, tu vois, j'essayais d'esquiver, mais maintenant je peux plus, tu vois. Ah ouais, non, maintenant c'est terminé. Hein. Parce que je rappelle que Toff aime bien, et c'est véridique, se faire attacher sur des croix dans des caves avec du fil barbelé en train de se faire enculer par un god au faire part. Passage du désert. Passage du désert.fr. Voilà, c'est ça. Et c'est véridique, je tiens à le rappeler. Ouais. Bon, Hélène. Oui, tu nous avais appelé parce que je me souviens d'une connerie quand même. Ah, vas-y. Faire rire. Vas-y. J'avais à peu près 2 ans et demi, 3 ans, et j'étais en petit whistiti, je grimpais partout. Et disons, j'ai confondu la brosse à dents de mon père avec son rasoir, et je me suis avec la bouche. J'ai fait les gestes, ça m'avait pas spécialement surprise, mais ma mère m'a dit, qu'est-ce que t'as fait? J'ai dit, maman, brosse à dents à papa. Voilà. Et espèce de débile. Et là elle t'a dit non, pas brosse à dents. Ouais, pas brosse à dents. Ouais. Et est-ce que Toff Vas-y. Et ma mère du coup, en fait, qui a la phobie du sang et s'est évanouie. Oh merde, putain, ça c'est la galère. La pauvre daronne. Tu m'étonnes. Et Hélène, donc pour en revenir à ton problème, enfin c'est même pas un problème, mais ta question, puisque t'es donc t'as déjà un gosse, t'as un deuxième qui arrive là d'un jour à l'autre, et donc c'est la Saint-Valentin dans deux jours, l'angoisse totale, et donc tu sais pas quoi faire comme cadeau à ton mec, puisque tu peux plus bouger, puisque tu vas avoir un gosse là, et que comme il va arriver un petit peu en avance, tu peux plus bouger, tu peux plus rien faire du tout. Voilà. Et donc il y a un message de Héloïse qui dit coucou l'équipe. Pour Hélène, pourquoi pas la livraison d'un traiteur, bien que déjà évoqué, et un petit poème. Bon courage et merci fun de m'accompagner chaque nuit sur la route. Bah bon courage à toi Héloïse. Alors moi personnellement, je vais donner vraiment un avis personnel, comme je l'ai dit. Mm-hmm. J'ai ma meuf qui arrive avec le traiteur, pas de problème, mais avec un poème. Je peux me marrer quand même. Mais c'est magnifique. Ça dépend le poème. Ça demande du boulot. Je n'ai pas dit que ça demandait pas de boulot. J'ai simplement dit qu'un poème. Moi je trouve ça naze. Mais c'est mon avis après, hein, voilà. Moi je trouve ça ringard, c'est tout. C'est voilà. Mais il n'y a pas de ringard dans le poème. C'est mon avis. Et puis ça vient du cœur. Je peux avoir mon avis ? Non ! C'est beau. Bon. Et peu importe. Par exemple, il va offrir quoi ? Une de ses maîtresses ? Vas-y, une maîtresse. Vas-y, une maîtresse. Moi, j'offre rien. Non, il a la chiasse pendant le 14 février. Demain, je vais commencer à être malade. Voilà, et le vendredi, 14, il sera au lit. Le 15 aussi, histoire 2. Et puis à partir du 16, il sera rétabli. Hop, retour à la radio. Et donc la vie reprend son cours. Voilà, c'est ça. Il y a Franck qui dit. Ah oui, ça, c'est connerie. On va les lire dans quelques minutes. Gravity qui dit : avec vous, impossible de s'endormir. Vous êtes au top, l'équipe. J'ai prévenu le lycée que vous étiez là en force. Ah ouais. Cool Gravity. Merci beaucoup. Il y a l'auditeur qui a prévenu 175 de ses potes également. Donc ça c'est une bonne nouvelle également. Et Kylian qui dit, pouvez m'envoyer le plus lourd des messages de bienvenue au monde et un coup de pelle parce que j'écoute l'émission depuis 3 mois sans oser demander de message de bienvenue. Bah alors Kylian, il faut pas avoir peur de nous, t'inquiète pas, le coup de pelle d'abord. Voilà, et je te mets le message de bienvenue aussi. Je vais venir, je vais t'enculer ta race de merde, je vais t'enterrer, je vais te faire la tête, je vais te faire croissance. Voilà. Oh le rire de Marion là. Ouais, je suis désolé, hein, j'arrive à sortir. Ouais. Marion, t'as combien de cigarettes par jour? Non, ça va, hein, je fume pas trop. Tu fumes pas trop, mais genre c'est combien? Pas la question que je t'ai posée. Combien de cigarettes par jour? Non, mon paquet, il fait 2-3 jours, mais je fume du tabac roulé à côté, alors. Ah ouais, donc elle fait 2-3 jours avec le paquet, plus le tabac roulé. Ça a augmenté. Ben hein, oui, mais, bien sûr. Mais elle ne fume pas beaucoup. Non, c'est je ça, fume pas beaucoup, ça fait longtemps que je fume, mais je fume pas beaucoup. D'accord. Non, tout est très crédible. Allez, revenons donc à la question d'Hélène. Et Marion, donc t'avais un conseil éventuellement à donner. Une proposition, si ça a fait plaisir à Hélène. Ouais, ou proposition. C'est une petite séance thalassothérapie ou... Elle peut pas bouger. Et ouais, c'est ça qu'après... sur le dos. Non, mais l'offrir à ton homme, sinon un massage, offrir à ton homme dans un salon de l'institut, un petit massage ou un bouquet de fleurs. Enfin, moi, je suis fleuriste. Donc, j'avais pensé à une box, les trucs de box, mais malheureusement, il veut pas le faire sans moi. Donc, c'est quoi que t'as pas le truc de box? Les box activités, les trucs de spa. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Et ça l'intéresse pas. Bah, pas sans moi, parce qu'il a peur que j'accouche si jamais il est pas. Ah oui, c'est ça, il est inquiet, ouais. D'accord. Bon, mais donc, je suis désolée, j'avais ça comme ça, c'est compliqué. Ont des fleurs. Oui. Des fleurs. Quoi, tu peux faire des fleurs, faire livrer. Ouais, après, ouais, c'est vrai. Non, mais franchement, alors... Attendez. Je recommence. C'est-à-dire qu'il y a ma meuf qui me fait un poème et qui m'offre des fleurs. Quoi? Vous êtes sérieuse là? Bah ouais. Pourtant je suis pas macho, je suis pas rien du tout, hein, vraiment il Non, je vous assure. Non mais je vous assure, je suis pas macho, vraiment, véridique. Je m'appelle pas Toff. Mais je suis pas macho, je suis un connard, c'est pas pareil. Ouais bah voilà, c'est ça. Je m'appelle pas Polo alors. Mais franchement les fleurs. Non, t'aimes pas les fleurs. Bah non, c'est pas que j'aime pas les fleurs, mais qu'on m'en offre, tu vois, Ouais, tu kiffes pas quoi, ça te fait rien quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Peut-être un bijou alors. Oui, bon, ça éventuellement, pourquoi pas, ça dépend. Un médaillon. Oui, voilà, bon, bah pourquoi pas. Oui. Tiens, sinon, il y a le bœuf ferré qui dit Saint-Valentin, un beau cadeau, fais le chéri, je peux te faire cocu. Oui, c'est non, vrai. C'est pas cool, hein. C'est drôle. Moi j'adore l'idée. Ah si, c'est une super bonne idée. Non, ça c'est pas bien ça. Oh là là, vous êtes relou. Non, on croit plus en rien, ça va pas, faut pas. Oh là là. Comme ça, on croit plus en rien après. Bon, alors attends, parce qu'on a aussi Laura qui avait son avis à donner là. Laura de Reims. Oui. Bon alors, qu'est-ce que t'as comme avis à donner, ma belle? Bon, je sais qu'elle pourra pas, mais le plus beau cadeau, je pense, pour lui, c'est qu'elle accouche le jour même. Ah bah oui. J'ai une solution parce que j'ai mon échographie demain et si le bébé pèse 2 kilos, effectivement, il sera déclenché. Ah ouais. C'est le plus beau cadeau le jour de la Saint-Valentin que le bébé arrive. Oh putain, t'imagines. Chérie, bonne Saint-Valentin. Super les os. Et Hélène, pour raconter un truc. Ouais. Oui. Hélène, je voulais te dire que moi, ma cousine, elle a accouché à la maison et c'est son chéri qui l'a accouché en fait et tout à Bordeaux. Et Elle a accouché dans une maison, une vieille maison, et à 2 kilos, il faisait 2,5 kg Thiago à l'époque. Et ça s'est hyper bien passé, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Quoi. Ah enfin, non, mais il n'y a pas de raison. C'est son deuxième. Hein. Mais non, mais bien sûr. Il n'y a pas de raison que ça se passe d'accord, mal. D'accord, ok. Que, je souhaite qu'il m'accouche à la maison ou à l'hôpital. Hélène, ouais, oui, c'est mieux parce que la voiture, c'est moins confort. Mais ouais, voilà. Hélène, dis-moi, c'est un garçon ou une fille? C'est une deuxième fille. Oh, c'est trop mignon. Mais non, mais c'est de la merde. C'est de la merde. Il faut pas. Attends, il faut pas la faire sortir le 14 février. Mais si, justement. Mais non, parce que toi tu fais un cadeau à ton mari, ce que tu veux, mais elle en aura jamais des cadeaux plus tard. Ah tiens, je te fais un cadeau en même temps que l'anniversaire et la Saint-Valentin. C'est comme quand t'es né. Mais mon cul, ouais, c'est comme quand t'es né à Noël. Bon, bah alors ma fille, elle est née à Noël. Eh ben, oh là là, la pauvre. Donc, c'est-à-dire qu'entre la sœur, elle aura un cadeau à Saint-Valentin pour anniversaire et Saint-Valentin, et l'autre à Noël aura qu'un seul cadeau aussi. Bah voilà l'affaire. Tiens. Non, ma fille est née le 26 décembre. On fait un cadeau en même temps, hein. Ouais, parce qu'au début, quand c'est un bébé, un petit gars, ça ira bien. Mais après, bon, on fait un cadeau une fois, on fait un cadeau ensemble, tu vois, hop, pour les deux en même temps, et tu vas voir, ça va être plié, cette affaire. Hein. Ah ouais, bon, non, mais. Si fera, on n'a pas la bourse à Rothschild à 24 ans. Hein. Ah bah non, mais enfin bon, quand même. Hey, serre les jambes, Hélène. La bourse à Rothschild. Ouais, hein, serre les jambes. T'as du bon vin, Rothschild. Aussi, en plus, c'est vrai. Bon, et eh ben écoute, Hélène, ravi d'avoir pu t'aider. Oui, je vais quand même retenir la solution des fleurs parce que je sais qu'il a une fleur en particulier qu'il aime bien. Ah, mais après, s'il aime les fleurs, c'est différent, évidemment. Voilà. Bon. Après, ça dépend des fleuristes. T'as des fleuristes qui sont dans l'événementiel, qui font des bouquets à lumière, enfin, qui font des bouquets qui sortent de l'ordinaire. D'accord. Oui, exactement. Voilà, il y a des choses pas mal, quoi. Bon, je te conseille pas, je dis Vincent. Je ne conseille pas trop Interflora, mais bon. Oh putain, ça y est, on parle de fleurs là maintenant. Non. Botanique, bienvenue sur Botanique FM. Hein, alors, quelle est la différence entre une rose blanche et une rose jaune? Et on peut prendre une rose rose? La rose blanche, le langage des fleurs, Mickaël, c'est important. C'est vrai, c'est oui, c'est latin. Vrai. C'est du latin. C'est vrai en plus, oui. Bon, mais Mario et Laura, je vous fais des gros bisous, les filles. Je vous embrasse. Eh ben, parfait. Mais nous, et moi aussi. À tout le monde. Salut Hélène, salut Mario, salut Laura. Ciao. Oui. Je te passe une vitesse vite fait. Vas-y Laura, choisis la bonne. Je fais un gros bisou à Aurélie et à Thomas qui sont avec moi là sur Facebook mais qui doivent se marrer derrière PC parce qu'ils écoutent. J'imagine, surtout si t'es sur Skype avec eux et que tu peux voir leur tête, oui. Non, je suis sur Facebook avec eux. Ah, sur Facebook, d'accord, ok, j'avais compris Skype, autant pour moi. Eh ben on les embrasse. Et puis la chanson qui me fait déprimer, c'est de Adèle avec Someone Like You. Ah oui, évidemment, et celle-là, c'est pas la chanson la plus agréable, enfin si, elle est agréable à écouter, mais je veux dire, c'est pas la chanson la plus joyeuse, j'admets, effectivement. On l'a là, Adèle, ou pas? C'est 10 secondes. Ouais, c'est long, 10 secondes. Hein. Bon, ouais, en attendant, Mélissa a tenu parole, elle m'envoie une photo. Ah non, ouais. Alors on veut voir, nous aussi. Mais on voit juste sa tête. Mais ça va, elle est mignonne, non, Mélissa. Là, charmante. Hein. Profitez des matins. C'est la pub. Oui, enfin bon, on s'en fout. Adèle, on connaît tous Someone Like You. C'est bon, apparemment. En fait, moi, je voulais le 90B. D comme Denise. Mélissa, voilà. Tu peux pas envoyer. Eh ben, tu peux m'envoyer le 90D sur mikael@funradio.fr et t'envoies tes jambes sur tof@funradio.fr. Et après, on mixera les trois en même temps. Ça me paraît un bon plan, ça tient. Je te fous les beaux, la tof. Bah vas-y, Laura. Je faisais du 110E il y a des années de ça. Ah oui, mais il y a des années, c'est l'actuel qui m'intéresse. Mais ouais. Laura, je sais bien, combien mesures-tu? 1m60. Combien pèses-tu? 65. Quel est ton tour de poitrine? Là, en ce moment, du 100D, pardon. Ah, D, on a perdu une taille. Ouais. Oui. Et la tête des pantalons que tu as acheté? Oh, 39-40. 40 quoi. Oui, bah il prend quand même, hein. Ah, non, c'est la guerre, 39-40. Attends, ouais. Une bonne branlette espagnole, hein. Oui, merci, toi. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mikael, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on revient avec les JO dans un instant sur Fun Radio et avec le son de Pharrell Williams au cœur de la nuit sans pub. C'est Happy sur Fun Radio. It might seem crazy what I'm about to say, but that's what you want to do. Nos limites. 23h, 2h. Fun. C'est Mickaël, nos limites. On Fun Radio. Et en direct sur Fun Radio avec des messages de Johan qui a envoyé un message sur l'application Mickaël, nos limites. Parti. Petit pardon, je touchais à tout à 4 ans pendant que mes parents tournaient le dos. J'ai bu un verre de vin rouge de mon père. Ah bah tu devais être frais, tiens Johan. Puisqu'on vous demandait ce que vous avez déjà fait comme connerie quand vous étiez petit, puisqu'il y a un petit Norvégien qui est parti avec sa petite soeur de 18 mois en voiture. Eh oui, carrément. Ils ont fini dans le fossé, forcément. Bah, ils ont rien, heureusement. Et le petit, du coup, il a appelé l'assistance pour dire bah, je suis dans le fossé, est-ce que vous pouvez bien me chercher. Ah la cool. Ce qui est quand même pas mal. Et donc le dépanneur a été un petit peu surpris. D'où ma question, qu'est-ce que vous avez déjà fait comme connerie quand vous étiez petit? Axel qui dit pour les conneries, moi j'essayais de rentrer mon chat dans la machine à laver. Ah c'est pas fait pour. Fabien qui dit quand j'étais petit, je me suis mangé le coin de la table, j'ai eu quelques points de suture. Et Ronan aussi qui dit à 7 ans, j'ai jeté une boule de pétanque dans la tête à mon frère, je lui ai ouvert le crâne. Ah bah oui, la boule de pétanque, tu m'étonnes. Et alors Maxime également, toujours sur le Facebook, qui dit comme connerie quand j'étais petit, j'ai trouvé un obus non désamorcé dans un bois, je ne savais pas qu'il pouvait exploser, je me suis amusé avec pendant un quart d'heure en tapant la pointe par terre le lendemain. Je l'ai montré à mon professeur et il me l'a pris pour appeler les dépines. Des démineurs, j'ai eu beaucoup de chance, je crois. Ah bah je crois pas, Maxime, comment te dire que t'es limite miraculé, hein, miraculé, mais c'est clair. Oh le mec, il a... T'as échappé à une explosion, Maxime. Putain, la violence. On a encore des Pacobad à vous offrir avant de parler avec Camille, Adrien et Gilou qui est arrivé également. Des Pacobad, donc, on vous offre hein, tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures ce soir. Et pour ça, il faut décrocher, bien évidemment, quand on vous appelle. Pacobad, c'est les sous-vêtements, ça vaut 100€. Ah, c'est occupé. Dommage. Alors occupé ou alors il... Attends, on va vérifier quand même pour être sûr. Alors si jamais on t'appelle et que tu t'es inscrit, n'hésite pas à raccrocher. C'est rare que c'est occupé. Ah voilà. Parfait. Donc c'était occupé visiblement. Allez, c'est parti. Pacobad. Allô. Allô, bonjour. Oui. Comment tu t'appelles? Magdalena. Magdalena, c'est ça? Oui. Eh ben Magdalena, tu t'es inscrite pour choper le pack Obad. Oui. Très bien. Eh ben on va te le filer alors Magdalena. Ah, c'est génial, merci. Voilà, My Crazy Collection, avec grand plaisir. Je te fais des gros bisous, Magdalena. T'es dans quelle ville, dis-moi? Je suis en Normandie. En Normandie, très bien. Ouais. Eh ben écoute, on va t'envoyer ça en Normandie, sans problème. Je te fais des gros bisous et bonne Saint-Valentin, merci. Magdalena. Je t'embrasse. À bientôt, Mag. Ciao. Retour de Gilou dans quelques minutes. Il va bien un petit peu rester là, Gilou. Hein. Camille également. Adrien dans Lyon. Et puis, bah, on a Toff là actuellement en direct de dehors, donc. Et pour les JO, alors. Mais oui. Ah, très bien. On t'entend mal, là. Vas-y. De comment? Ah voilà, non, je disais on t'entendait mal, mais là finalement ça va mieux là. Oh là très là, bien. Polo a failli mourir, Polo a failli mourir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah il a, en fait Polo était en train de préparer la piste, mais oh là là là là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a failli se vautrer. Ah merde! Mais ça va là, ça va, il est revenu là. D'accord, bon bah le voilà le principal. Bon, quel est le concept de ce soir alors, le temps que j'arrive? Donc, aujourd'hui c'est patinage de vitesse, hein, donc nous avons préparé le couloir de la radio. Ouais. Et donc dans ce grand couloir de la radio, nous avons installé une piste, ouais. Une piste pour pouvoir faire une course sur d'accord. Toute la longueur du couloir. D'accord. Et au bout de ce couloir, eh bien le premier arrivé aura gagné. D'accord, très bien. Bon, moi je vous rejoins. Attendez, hein, j'ai pris le micro sans fil. Et alors attendez, j'arrive. Voilà. Alors parfait, nous sommes là et effectivement, ça a l'air de glisser un peu là quand même. Hein, on est pas mal. Bon alors attention, c'est parti pour les Jeux Olympiques de saut de ski. Quels sont les pays qui vont s'affronter ce soir? C'est la France, hein, on est français, on n'est pas français, on est français. Voilà. Donc on va affronter les... Et le gagnant d'hier, la Belgique donc, hein. Voilà, je suis la Belgique. Parfait, donc ils ont mis des espèces de patins un peu particuliers. Donc c'est aller-retour. Aller-retour évidemment. Alors attention, c'est moi qui donne le top. Donc je vous explique, on est dans un couloir, on est dans le couloir de la radio. Il y a du plastique par terre, du savon par terre. Ça glisse, sa mère. Le but, vous pouvez donc faire l'aller-retour. Il y a combien grosso modo en termes de mètres là? Il doit y avoir 15-20 mètres. Normalement il y a que 10 mètres. Il y a seulement 10 mètres, parce que là-bas je faisais 10 mètres. Donc ah, je voyais plus là. Bon bah 10 mètres, alors très bien. Il y a 10 mètres aller-retour, ça fait 20 mètres. Attention, je donne le top départ. Vous pouvez vous pousser si vous voulez. C'est possible. Donc ouais. Le but c'est de partir le plus vite possible pour éviter de se faire pousser. On y va. Attention, deuxième épreuve donc des Jeux Olympiques de Sochi. 3, 2, 1, Go France-Belgique, c'est parti. Polo qui a failli se casser la gueule déjà. Attention, la Belgique est pour l'instant devant avec Tov qui représente la Belgique. Attention, et Tov se casse la gueule. Polo est toujours derrière, mais va-t-il en profiter pour passer devant? Oui, hop là. Il a pas été jusqu'au bout. Il a été jusqu'au bout, je valide. Il a été jusqu'au bout, je valide. Ils sont en train de se bagarrer là. Pour l'instant, Polo est toujours devant de pas grand chose. Tov est en train d'essayer de le faire tomber en direct pour passer de l'autre côté. Attention de l'extérieur et attention. L'attendez. Polo est tombé, Tof est passé par-dessus et la Belgique gagne encore une fois. Et ben voilà, et Polo qui malheureusement n'arrive pas aux trois quarts. Il est à trois quarts. Il est à trois quarts du parcours, il n'arrive pas à relever. Heureusement, l'effet sport, et ça c'est le fair play du sport, hein, puisque Tof a décidé de le remonter. Comment ça va Polo? Fair play, fair play. Oh merde, fair play. Je suis tombé trois fois, je crois que je me suis pété un os. Oh ouais, encore une fois, encore un accident. On est français, on se plaint. Je crois que je me suis pété un orteil. Oh ça y est, sur le quoi là tout à l'heure. N'importe quoi. Bon, et ben très bien, on en refait une, on refait la belle ou pas? On peut. Bon, mais allez. Tout de suite ou on attend un peu? Ah bah tout de suite. Et là on va la jouer en chronomètre. Au chrono. Alors attention. Vous êtes prêts? Non. On la refait en speed. Ce sont les Jeux Olympiques de Sochi en direct dans les locaux de Fun Radio et pas dans le studio puisqu'on est dans le couloir là. Attention, vous êtes prêts? Ouais. 3, 2, 1, go! C'est parti, toujours la France contre la Belgique. Pour l'instant on est à 2 secondes. Il y a Polo qui est toujours devant comme au premier passage. Polo, attention apparemment à trouver le système. Ça y est, attention. Ah oui, la France arrive largement première puisque ça y est. Ah là là là, il a chuté, c'est gagné! En 15 secondes, Étoffe qui vient de se vautrer lamentablement. Mais lamentablement, hein. Lamentablement. Bon, la France a gagné une deuxième fois. Ouais. Il va falloir départager là, non? Non, mais ça va aller. Hein? Il a gagné une fois, j'ai. Bah justement, faut départager pour voir lequel va gagner. Tu vois, on va se dire que. Allez, on y va. Allez, on y va ou on y va pas? On y va. Allez, on y va, attention. On remet le couvert une dernière fois. 3, 2, 1, go! Pour l'instant, c'est égalité. La Belgique mène. Non, la Belgique ne mène pas, c'est un partout pour l'instant. Polo qui a trouvé le truc pour avancer sur le plastique avec. Polo vient de tomber. Donc voilà, pour l'instant, la France est tombée. Et Polo qui revient donc dans le couloir. Il a trouvé le truc, clairement. Vous allez pouvoir le voir sur le Facebook de l'émission. Et voilà, victoire de la France. Bravo. Et ouais, la France vient de gagner. Au sous-chef. Parce que je vais lui dégueulasser son bureau. Très bien. Voilà, bravo en tout cas. Vous verrez les vidéos dans quelques minutes. Dans quelques minutes, je m'emballe peut-être un petit peu. Ouais, hein. Tu t'emballes vraiment beaucoup. Voilà, parce que ça, à mon avis, c'est 2-3 jours. Oh non, pas 2-3 jours. Voilà, donc si vous voulez faire ça chez vous, ne le faites pas puisque nous sommes une équipe de professionnels. Tout est prévu ici. Nous sommes des professionnels. Voilà, donc on était dans le direct du couloir de Fun Radio pour faire ces Jeux Olympiques de saut de chi, justement. Voilà, Sandro, déception totale qui n'a pas participé. J'ai pas tout vu, mais ça avait l'air drôle. Bah oui, ça avait l'air plutôt drôle, effectivement, je le confirme. Nous sommes de retour ici dans les studios de Fun Radio, hein, c'est parti. Je récupère ma place. Voilà, là on est bon, là on est bon. Bon, Tof, tu reviens? Tof! Oh putain. Tof! Ah non. Ouais, regardez, il parle. Tof! Non! Ouais mais Tof, comment t'expliquer que je suis à l'autre bout du parcours là? Eh ben oui, mais bon, je suis en train de te parler depuis tout à l'heure là. Attends, j'arrive. Je vous jure. Eh Gilou, c'est quand même. Je me suis défoncé un orteil. Oh c'est rien, t'en as d'autres, t'en as 9 autres, c'est pas très grave. Ah merde. Oh, arrête de gueuler. Arrête de gueuler par pitié, c'est dingue. Attends, je suis là. Les Jeux Olympiques et il faut que ça gueule, c'est incroyable. Bon, Gilou. Oui. Comment ça va Gilou? Oh ça va, comme un jeune. Oh ben comme un jeune tant mieux parce que Tof lui il va comme un vieux lui, il est presque mort. Oh grave je souffre. Oh il est complètement mort. Non, mais je me suis tué un orteil c'est sûr. Mais arrête on a 9 autres. Merde il est gonflé, j'ai l'impression que j'en ai deux. Montre. Regarde j'ai l'impression que j'ai 6 orteils. Mais quel cinéma, mais y'a rien. N'importe quoi. Oh, mais alors là ce cinéma constant là. Y'a rien du tout. Oh ouais, y'a que ça, dalle ouais. Y'a rien de chez rien là. Y'a rien de rien. Je ne vois rien. Oh, ah oui, c'est forcément de la houtée. Mais oui. Bon, Gilou, comment tu vas, mon grand? Ça va très bien, je cherche des filles. Comment? Je suis célibat. Ah, t'es célibat. Bah, ça arrive même au meilleur, hein, Gilou. Hein. Oui, puis pour la Saint-Valentin, si vous me trouvez un petit loup quelque part. Hein. Un petit loup. Ouais. Alors, ce serait bien peut-être qu'on rappelle Mélissa, là, avec 90D, là. On peut-être essayer de la retrouver. Oui, j'adore. Moi. Surtout que mon matelas, il commence à avoir mal. Ton matelas? Mon matelas est dur, oui. Alors. Ah bah oui, évidemment, parce que du coup t'arrives plus à dormir sur le ventre. Ben voilà, c'est ça. Hein. Ouais, je comprends. Bah ouais, c'est un gros problème ça, Gilou. avec un 90, au moins ça va m'amortir quelque chose. Ah ben bah complètement, complètement. Ah bah là tu seras bien, tu pourras te reposer. Avec un 90D là. Il y a des jumelles, hein, tu les prends. Hein. Ah bah bien sûr, en plus ça fait oreiller, Gilou, là tu te mets bien. Ouais, là, ouais, hein. On couchera en travers. Hein. Bah évidemment, sinon il y a Camille qui est avec nous, tiens, je peux te présenter Camille. Salut Camille. Ouais, bah elle est gentille. Ah bah bien sûr qu'elle est gentille, toutes mes auditrices sont gentilles, Gilou. Parce ça va moi, Camille Camille. Oui. J'aime bien les filles douces, moi. Mais elle est très douce. Ça va Camille, dis donc, de Marseille. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toute l'équipe. Est-ce que tu connais Gilou? Oui. Oui. Mmh, tu aimes bien Gilou? Ça va Camille? C'est vrai, toi, mon doudou. Tu penses qu'on pourra faire quelque chose à nous deux? Pardon? Tu penses qu'on pourra faire quelque chose à nous deux? À toi de me dire. Hein? Je sais pas, tu m'invites au restaurant? Ah ben si tu veux, oui. Ah si tu veux, moi tu viens, oui. Bon bah si t'es romantique. Ah je suis romantique, moi. Oh là là, depuis longtemps. Il a quel âge, Gilou? Oh, il a bu l'âge, Gilou, là. Il est bien, il a bientôt 20 ans, Gilou. Tu sais, c'est comme le bon vin, mais c'est maintenant qu'il est le meilleur. Ouais. Voilà. Exactement. Ouais, c'est ça, ouais. Eh ouais. Bon, attends deux secondes, Camille. Ouais. On a 90D avec nous, là. 90D? Ouais, ouais, tu l'as. Ah, je te présente Gilou, 90D. Bah ouais, tu sais quoi, j'étais en train de vous envoyer une photo et du coup j'étais coupée par... Merde, attends, je te rappelle. Voilà, attends, je lui ai raccroché au nez, on va la rappeler dans 5 minutes, oh là là, attends, et la photo d'abord. Hein. Bon, Gilou, attends, bouge pas, on va se mettre... Ah bah oui, attends, il y a des priorités. Ah bah d'accord, ok, bah non, chacun sa priorité là. Bon bah bouge pas, Gilou. D'accord, Camille, d'accord. Reste avec nous pour parler des conneries, Adrien également, et puis Mélissa, on va la récupérer dès que je reçois la photo, évidemment. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S, suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et en direct sur Fun Radio, il est 1h25, il y aura Polo contre le reste du monde tout à l'heure. Dans une petite demi-heure, hein, si vous voulez participer, bah appelez-nous. 01 42 48 5000 et puis on s'écoute le son de David Guetta sur Fun Radio. C'est Shut Me Down. I was 5 and he was 6. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster et Sandro, un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Et en direct, évidemment, 1h28 sur Fun Radio. Attention, il y a le nombre de messages que je reçois pour avoir les coordonnées de Mélissa. Je les vends 100 euros. C'est dingue. Hein. 100 euros. Je vends le numéro de téléphone de Mélissa aux enchères. Il y a Adrien qui dit, y aurait-il moyen d'avoir un message de bienvenue, mais avec plaisir. Et vous faire foutre, espèce de tête de con. Là. Voilà, il y a Sony qui dit, avec mon cousin, quand j'en avais 6 et 7 ans, on a pris 2 bouteilles de champagne à l'anniversaire de notre grand-mère et on les a bu. Je t'explique pas l'état, bah tu m'étonnes. Et Maëva aussi, moi la connerie que j'ai faite, c'est quand j'étais petite que j'ai bu la grande bouteille de myrrhe. Oh, ah. Ça pardonne pas. Ça. Et Marine qui dit, les conneries que j'ai pu faire quand j'étais petite, c'est de faire mal volontairement à mon grand frère en lui claquant la porte des meubles en pleine figure. Oh là là. Et sinon être parti de chez moi à 5 ans comme si de rien n'était avec les clés et de revenir comme une fleur. Mais oui, mais c'est normal, t'as normal raison. À 5 ans. Attends, et Fabien qui dit, quand j'étais petite j'ai voulu faire péter un extincteur. Et alors Franck qui dit aussi, comme connerie, si on peut appeler ça une connerie, j'avais 3 ans et ma grande sœur m'a donné les aiguilles à tricoter de ma mère. Bah voilà l'idée, tiens. Et les aiguilles dans les trous de la prise de courant. Ouais. Je peux te dire que ça chatouille et que ça fait sauter les plombs. Oui, bah et heureusement que ça les a fait sauter. Moi, quand j'étais petit, je mangeais des bouts de verre. Oui, bah bon appétit. Quelle bande de tarés vous êtes, c'est Fred S34. Et puis, message aussi qui est arrivé, Aurore aussi, qui dit coucou à toute l'équipe avec ce temps pourri. Heureusement que vous êtes là avec votre bonne humeur. Moi, pour la Saint-Valentin, un petit resto sympa et peut-être une demande en mariage, qui sait. Oh, la meuf qui attend, tu sais. Ouais. Qui attend et puis qui n'aura peut-être que dalle, en fait, tout simplement. Bon, on va rappeler Mélissa en direct, là. J'espère qu'elle a envoyé sa photo, là. Elle a envoyé sa tête à Polo, hein, polo@funradio.fr. Je lui ai demandé d'envoyer le 90D sur mon mail. Allô Mélissa? Ouais. Ah, j'ai rien là. Hein. Non, attends. Mais c'est quoi? Je viens juste de l'envoyer là. Attends. Mickaël@funradio.fr. Bah, y'a rien qui arrive. Hein. T'as fait M-I-K-L ou Mickaël avec. M-I-K-L. Voilà, oui, c'est bon. Bah, y'a rien là. Hein. Ah, c'est bon, l'ordinateur pour voir. Regarde, j'ai beau taper là. On veut les nibards. Et y'a rien. On voit encore. Là, il n'y a rien de rien, là. On veut les nibards. Ah, là, il n'y a rien. Non, c'est le c'est total. C'est funradio.fr ou funradio.com. .fr. .fr. Mais c'est quoi, je l'ai envoyé? Eh bah oui, mais c'est quoi, j'ai rien reçu. Il y a rien là. Réessaye sur Polo parce qu'apparemment ça marche. Non, non, non, non, non, lui il a eu le visage, chacun sa place. Moi je préfère aller bon, là. Voilà, et en plus c'est con Mélissa parce que regarde, si j'arrive à voir la chanson bientôt là, je suis pas à l'abri de taper ça avant de partir. Ah ouais, ou peut-être un Rage Against the Machine, ça aussi. Ah ouais, non, ça malheureusement, c'est pas possible. Un autre jour. Mais tu n'es pas sur le, ce n'est pas le bon endroit. C'est déjà pas mal ça. Ouais. Ah, en plus, ce mec My Beach Up, le thème va tellement bien. Si possible, Rage Against the Machine, tu le mets dans ton iPod. Oui, c'est possible. Non, mais c'est pas que je veuille pas, c'est pas le problème. Mais bon. Je la réenvoie et tu me re-rappelles, Pierre. Non, mais c'est bon là, je viens de la voir là. Ah, voilà. Ah oui, il y a du matériel. Il y a du matériel. En plus, elle s'est mise en petit soutien-gorge. Je n'en demandais pas tant, Mélissa. Je n'en demandais pas tant. Et même Sandro arrive. Même Sandro arrive. Ah, il est bien. Ah, oui, il est bien. Ouais. Non, il y a de quoi faire, quoi. Oh, ce soir, je me branle. Ça y est, c'est décidé. Moi, j'avais déjà décidé avant. Bon, Mélissa, du coup, je te présente Gilou. Salut Gilou. Gilou. Même si c'est Gilou. Pas trop mon type, hein. Non mais arrête. Eh Gilou. Gilou. Oui. Attends deux secondes, je te raccroche au nez, je te rappelle Gilou, parce que chaque fois ça fait un petit une coupure quand tu parles. Ah bon. Bon attends, bouge pas, je te raccroche au nez, je te rappelle. Hop là, on fait ça en direct, on est tranquille. On est débarrassé, bravo. Mais non, mec, mais non. Tueur. Mais non, on aime bien Gilou. Je plaisante. Hein. Allô Gilou. Gilou. Gilou, après votre message, merde. Bon, on va le rappeler hors antenne. Bon, Mélissa, on va le rappeler hors antenne, le Gilou, là, c'est vrai, bondeur. Bon, Mélissa, reste avec nous. Qu'est-ce que t'as fait comme connerie, toi, Mélissa, quand t'étais petite? Beaucoup, hein. D'accord, alors réfléchis. Alors, on va prendre Camille en attendant de Marseille. Allô, Camille. Bonsoir, rebonsoir. Rebonsoir, Camille. Bon, alors, comment ça se passe, Camille, au niveau des conneries, là? Qu'est-ce que t'as fait comme connerie? Moi, il y en a plein, moi. Je suis la reine des conneries. Ah bah, ça tombe bien, on est là jusqu'à 2h, donc profites-en, on a tout le temps, là, on t'écoute. Il y en a une qui m'est revenue, c'est que, en fait, j'avais 15-16 ans. J'étais à l'hôpital, je m'étais fait opérer du genou. Ouais. Et en fait, je pouvais pas sortir, en fait, dehors parce que pour fumer ma clope. Et j'ai allumé ma clope dans ma chambre. Bravo à l'hôpital, Camille, félicitations. Quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Bah si, il y avait le choix là. Bah non, je pouvais pas sortir de ma chambre. Eh ben, il faut pas fumer. Il n'y avait pas le choix, c'est genre, c'est une question de vie ou de mort. Bon, alors, vas-y, continue. Et le problème, c'est qu'il y avait des détecteurs de fumée. Ah bah oui. Sans déconner, évidemment, Camille, qu'il y a des détecteurs de fumée. Et alors? Ils se sont allumés, ils ont évacué tout le service. Oh, et moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mon mégot, je l'ai jeté devant une autre porte de chambre. Donc, ils ont accusé l'autre personne. Quelle connasse. Et du coup après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le responsable est venu, il lui a pas pris un gros savon et tout. Et moi je suis passée devant, j'ai baissé la tête et je suis sortie. Voilà. T'auras même pu regarder en disant: ça se fait pas monsieur, hein. Vraiment, hein. C'est pas fier, par contre. Il y a des gens malades dans cet hôpital justement. Et vous faites n'importe quoi, bravo. T'auras dû, hein. Plus c'est gros, plus ça passe en général. Ah ouais. Ouais, c'est toujours ce que je dis aux filles avant la sodomie. Ouais, arrête ton cinéma, t'as rien toi, t'as un stylo. Ouais, bah justement. Ouais, plus c'est gros, plus ça passe, tu parles. Bon, attends Camille, deux secondes. Gilou est de retour? Oui, bah j'écoute, hein. Ah bah maintenant ça marche mieux là, très bien. Hey, Camille. Il est où le père de tes deux enfants? Il est là. Ah, il est avec toi ou pas? Oui, Camille. Ah, lui, il s'en fout, mais attends, Gilou, il a deux meufs, il s'en bat. Il s'en Là, là, il est bien entouré, hein. Mélissa et Camille, je peux te dire qu'il s'est mis bien, Gilou, là. Bon, si tu voulais pas te faire avoir pour la fumée. Pardon? J'ai pas entendu. Si tu voulais pas te faire avoir pour la fumée, te faire engueuler à l'hôpital, là. J'ai pas entendu. Il dit, si tu voulais pas te faire avoir avec la fumée à l'hôpital. Ouais, oui, je suis au décope, tu peux venir voir Gilou. Il m'en donne? Non, il veut que tu fumes. Je m'arrête automatique, moi. Ah oui, oui, mais ça, c'est pas pareil. Tu rigoles, tu vas faire fumer tes gars, toi. Elle est beaucoup meilleure et tout, ouais. Elle dure longtemps et tout. Pour la Saint-Valentin, là. Ouais, et puis elle a un avantage, c'est que tu peux pas l'acheter. Hein. Les cigarettes, quand elle est fumée, tu la balances, mais là, tu peux pas. Hein. Ouais, mais la clope électronique, il y a plein de conneries dedans, faire attention, mon petit Gilou. Hein. Bah, il y a plein de conneries dans toutes les clopes, hein, c'est quoi, hein. Non, bah, elle est habituée, tu sais. Mais tu parlais de la cigarette électronique, Gilou? Non. Mon petit cigare. Le père de mes enfants. Tu vas donner ça à fumer, t'inquiète pas, bah, le détecteur ne sera pas mis en route. C'est sûr. Bah oui, c'est pour ça qu'il faut venir me boire. Ça va être voir là. Pour ne pas que ça recommence. Gilou. Et si tu t'embêtes vendredi, tu viens manger à la maison. T'amènes une copine ou deux, là, vous venez à deux, trois, si vous voulez, je fais la bouffe et tout. Tu vas venir avec Mélissa. Bien, ouais. Ouais, puis... D'accord, c'est comme ça, pas de soucis. Tu prends... Mais la belle cravate, hein, je veux le costume et la belle cravate, et les bougies, surtout. Vas-y, vraiment, je bien, hein, c'est marrant. J'en ai des bougies, hein, de toutes les couleurs. On va faire ça, Mélissa, c'est pas grave, on va le rendre dingue. Ouais. On va y mettre tout ça, on va faire un petit feu d'artifice. Détecteur de fumée chez toi. Comment? J'espère qu'il n'y a pas de détecteur de fumée chez toi. J'en ai pas, non. J'ai le carreau tracé, moi ça me suffit. J'en fais les carreaux, moi comme ça, je ne sens pas la fumée. Mais Gilou? Oui. Tu laisses de côté Mélissa là? Mais grave. Ben non, j'y parle. Là, mais non, elle est beaucoup, hein. Elle est toute belle, toute jeune. Oh, non. Non, mais c'est... Pas pour toi, hein, dis-moi. Et en plus, Gilou, elle connaît pas le père de tes enfants. Hein. Oh ben, elle vaut mieux pas. Je l'ai emmené au cirque ce matin, dis. De quoi? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai emmené le gamin au cirque. Ah oui, ah oui, très bien, évidemment. Oh, il m'emmerdait pour que je l'emmène, allez, ouais. Bah t'as bien fait. Ouais. Et parce que, Mélissa? Ouais. T'aimes bien jouer à la marelle? J'aimais bien. On en prend une partie vendredi soir, ma poule. Hein? Mais tu vas jouer avec quoi? Franchement, je te bats tranquille, hein. Gilou? On fera ça, on le verra, tu vas voir, c'est marrant. Comme des grenouilles là. Voilà. Hey, mais t'as quel âge, Gilou, sérieux? Il a bientôt 20 ans. Ouais, j'ai 23, 24. x2, hein. Hein? Facile. T'as 20 ans, x2, hein. T'as sur 3, non, j'ai beaucoup plus. Je vais pas vous le dire parce qu'après vous allez plus me parler. Mais si, c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes, hein. Comment? C'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes, Gilou. Mais tu sais que des petites comme ça, moi je les tiens encore, hein. Je te jure, hein. Mélissa et Camille, je suis sûr qu'il est certainement meilleur que des mecs que vous avez déjà eu, hein. Mon âge, moi j'en fais autant que les jeunes, hein. Voire même plus, Gilou, plus. Oh ben tiens, en plus j'ai du matos. Bah, on se dit, Gilou. Parfois c'est la meuf qui mène la danse, hein, pas besoin du mec, hein. Ouais, mais... Mais il est pas comme ça, Gilou. Vous seriez peut-être... Non, mais arrête de te vanter, sérieux. Arrête de te vanter. Il a raison, non, mais il peut, Mélissa, t'inquiète pas, hein, Toff, il a déjà essayé avec lui et il confirme. Et c'est un chaud lapin, Gilou. Arrête de vanter, Gilou, là. Arrête de vendre Gilou, ça sert à rien. Non, je vends pas ma camelote, moi, je la garde, mais je dis ce qui est vrai, moi. Oh, arrête de me faire vendre. Ah, ben tiens, tu vois. Bah oui, après, tu prends mon chemin et puis tu guides, hein. Attends, c'est pas n'importe qui, c'est Gilou, hein. Ah ouais. Le lait fera les seins et tout, le petit moi, comme j'ai brûlé 3-4 fois, c'est tout, hein. Le jour que tu viens avec moi, tu voudras plus avec quelqu'un d'autre. Est-ce que tu pourrais me faire un baiser à la coque, s'il vous plaît? Ouais. Tu payes toujours, tiens, tu sais faire les baisers à la coque, Camille? Franchement, déjà, change de voix et déjà, ça ira bien, tu vois. On va faire l'amour, voyons. Non, mais j'ai mal aux dents, c'est pour ça que j'ai la bouche de travers. Oh, tu pourrais pas me sucer un peu de... Je repasse le parallélisme. Oh, tu pourrais pas me sucer un peu de... Mais y a pas des femmes dans ton environ, là, qui Mais font... si, justement, toi, Mélissa, là, il a kiffé, là. Non. Ah, tu préfères qui, Gilou, Mélissa ou Camille? Ben, moi, je dirais bien les deux. Moi, je préfère Camille. Hein. Après, Philippe, c'est ma grand-mère. Hein. Oh, Mélissa. Voyons. Lequel qui veut venir? Ah, bah, Camille, hein. Je pense que Camille, elle est chaude comme la braise, là. Ah ben moi, j'ai les cheveux comme la braise, et ben ça va bien tomber, tiens. Ben voilà. Comme ça... Pauvre Camille. Mais ça va. Prends mon numéro de téléphone. J'enverrai ma grand-mère. Très bien. Eh bien, on va prendre le numéro de téléphone, Gilou. Bon, ouais. Gilou. Oui. Passe une bonne nuit. Après le numéro de téléphone de la grand-mère, quelque chose, hein, ça dépend quel âge elle a. Ah bah oui, oui, bah évidemment, hein, bien sûr. Jamais, il nous faut tous les râteliers, Gilou. Ah bah, ah oui. Bah exactement. Ouais. Ah bah devant, derrière, à gauche, à droite, c'est pas grave, hein, tant qu'il y a un truc. Il y en a pour un, il y en a pour deux. Il y en a même pour dix, pas de problème. Gros bisous, Gilou, merci d'être passé, ouais. tu rappelles quand tu veux. Oui, d'accord, c'est gentil. Salut, Gilou. Allez, ciao. À bon. Plus, bisous, au revoir. Allez, à plus, allez, à plus. Bon, Mélissa et Camille, là, restez avec nous, les filles. Il y a Adrien qu'on va prendre dans quelques minutes, là, qui appelle de Lyon et qui va aussi nous raconter ce qu'il a déjà fait comme connerie. Et puis, on va se faire le polo contre le reste du monde, évidemment. Ouais. Ça va débarquer dans quelques minutes, ça, sur Fun Radio. Les filles, un petit Jason Derulo, ça vous fait kiffer ou pas? Pourquoi pas, hein. Ou vous préférez le Prodigy? Mélissa? Prodigy, carrément. On se retrouve sur Facebook, Mélissa. Ouais, mais carrément, moi je te le donne, hein, mon Facebook, y'a bah pas de soucis. Hein. C'est bon, j'ai tes coordonnées. Ah bah oui, là, c'est l'autre, il a directement sauté dessus, mais quel gros pote. La photo, c'est quand même tuerie. Exceptionnel, exceptionnel. Bah, vas-y, bon. Garde-les, hein. Mélissa. Ouais. Camille. Oui. Prodigy. Ouais, carrément. Smack my bitch up. Ouais. Allez. On fait ça maintenant sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël No Limit. On est là, on est tranquille, on est là jusqu'à 2h du mat. On a du 90D au menu. Ah, oh, on est bien. Ouais, mais on est plus que bien là. Allez, bonne nuit tout le monde, Mickaël No Limit jusqu'à 2h. Pour le contrôle reste du monde, ça va débarquer dans quelques instants. Et puis le son de Prodigy maintenant. Tiré l'album Fat of the Land. Smack my bitch up sur Fun. Bonne nuit tout le monde. Oh qu'il était bon là. Oh là là là là là là. Le son de Prodigy, Smack My Bitch Up. Vous avez pensé quoi, Mélissa, Camille? Ah, carrément bien, ça change. Ah oui. Pour bien comprendre, Mickaël No Limit, c'est... Excusez-moi, on a été coupé, madame. C'est moi qui ai coupé, allez au diable. Et c'est aussi... Bah moi je vous emmerde et tu nous fais pas chier, sinon t'as la barbée. Mickaël No Limit, de 23h à 2h sur Fun Radio. Eh ben voilà, on est tranquille. Y'a Manu qui dit nul à chier, pro espace DJ. Non, en fait c'est pas comme ça que ça s'écrit, mais bon, j'ai compris. Emeline qui dit hier soir en salle d'accouchement, une femme m'a demandé de mettre Fun Radio rien que pour t'écouter, Mickaël. Non. Ça c'est bon. Ah, il aurait fallu nous prévenir et tout, on aurait fait l'accouchement en direct, nous. Bah oui, attends, on aurait fait direct. Le prince qui dit le pack au bas, je le voulais tellement. Ah bah oui, il fallait décrocher, Nadia. Emilien aussi qui dit vous gérez l'équipe, gros bisous à Gilou. Ariel qui dit après Gilou, un bon Prodigy, c'est tout simplement parfait. Et Awards Dragons qui dit Prodigy avec Smack My Bitch Up de la tuerie. J'avoue, surtout le moment où ça fait. Ah, quel horreur. Je fais bien, non? On dirait une mouche. C'est bon. Et puis ça fait est-ce que je gère le Prodigy? Parfait. On dirait que c'est toi qui l'as composé. Ouais. C'est tellement bon. Non? Qu'est-ce que tu es fort, Mickaël? Non, bon, j'arrête. Non, moi je trouve ça bien. Suce boule. Bon, terminons avec les conneries avec Mélissa et Camille et Adrien également. Qu'est-ce que vous avez déjà fait comme conneries quand vous étiez petit? Adrien qui a 23 ans qui appelle de Lyon là. Ça va, Adrien? Ça va, salut. Ça va, salut. Bah, salut à toi, Adrien. Ouais. Et Adrien qui se met bien avec Camille et Mélissa, pépère, hein, il s'installe. Ouais, il sait pas de quel côté il va poser sa tête. Bah ouais, de quel côté tu préfères poser ta tête, Adrien? Du côté de Camille ou du côté de Mélissa? Bah, Gilles étant parti, du coup ça me laisse plus de place. Bah oui, c'est sûr. Du coup j'ai pensé à prendre le pacemaker au cas où, mais du coup je plutôt vers Mélissa. Plutôt vers Mélissa. Ouais. Ouais. Je trouve qu'elle a une voix toute douce, vraiment agréable. Non, non, arrête ton cinéma, elle a dit qu'elle avait du 90 D, arrête ton cinéma, Adrien. Ouais, ça, je m'en fous, ça. Mais oh, c'est ça. Oh là là là là, quel mytho. Lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Mais oui, bien sûr. Ça fait, bien évidemment. Sûr, ouais. C'est faux. Surtout, qu'elle dit ça, mais on n'en sait rien, c'est qu'elle fait du A ou du B. Ah si, si, je te confirme qu'elle le fait. La photo, on l'a pas vue, nous. Ah si, mais nous, on l'a vue. On l'a vue, t'inquiète. Et le nombre de gens, Mélissa, qui veulent voir la photo. Ah ouais, non. Je vends. Faites la voir, au pire. De quoi, de quoi? Faites la voir, hein, la photo. Je peux la mettre sur le Facebook, mais tu vas te faire insulter, je te préviens, parce que les rageux, il y en a plein. Dis-moi, tu mets juste Mélissa, c'est bon. Non, non, mais mets pas ta. En fait, on te dit que c'est. Tu mets pas ta tête, hein. Non, non, mais non, tu vois. Juste, ouais. Faut mettre la tête à toi. Laquelle tu veux, que je mette la photo que j'ai mise moi, ou que j'ai reçue, ou la photo de Polo? la photo du bas, quoi. La photo du bas, d'accord. Ouais, voilà, quoi. Donc, t'es sûr que je peux la mettre? Parce que je te le dis par habitude, je sais qu'il y a des auditeurs et auditrices qui sont tellement rageux ou rageurs que ça va être, ouais, une pute, regarde, elle envoie des photos, c'est une pute. Et du moment qu'on voit pas ma tête, vas-y, mets, et puis après, elle me rappelle et on en discute. D'accord. Oh, putain, je vais pas être seul à profiter de ces gros nibards, je suis vénère. Mais dis ça, c'est comme si tu me trompais. Bah, vas-y, c'est pas grave, hein. Elle t'en enverra d'autres, Polo. Alors attends, je la mets en direct live, hein, comme ça vous allez pouvoir voir le truc en direct. Alors attendez. Bah oui, attends, moi tu... Vas-y. Je parie qu'Adrien il est déjà connecté sur le Facebook. Ah bah, il attend ça là. Le mec. Adrien il veut voir Mélissa en direct live, pas sa photo. Ah bah oui, mais mec, il reste t'es un peu gourmand, non? Alors attends. Bah non. Et plus on en demande, on est sûr d'avoir un minimum, hein, après. Hein. Voici Mélissa et son célèbre 90D. Qu'est-ce que je peux rajouter encore? Bah c'est tout, hein, je crois que oui, je pense que tu as dit l'essentiel. Voilà. C'est assez, je crois. Voilà, et donc je tape hashtag 90D, hein, si jamais on arrive à le mettre au top tweet. Voilà, c'est fait. Alors attendez, je charge la photo. Voilà. C'est un peu comme une cartouche, c'est qu'un fusil, là, ça va exploser, les gars. Ah ouais, on n'est pas à l'abri, hein. Eh, reculez-vous un peu de l'écran parce que ça peut faire mal. Hein. Attention. Eh, bande de pervers, vous astiquez pas ce soir. Hein. Enfin, sauf si ça dérange pas Mélissa. Doucement. J'hésite à publier, tu sais, j'attends les mecs qui sont en train de faire des refresh. Facebook a sauté, les gars. Oh merde, c'est en panne. Oh merde. Non, c'est bon, c'est revenu. Ah, ça marche. Bon, alors, donc j'ai mis voici Mélissa et son célèbre 90D. Oui. Je sais pas si j'en reste là ou si j'ajoute un truc. Il sont pas aussi grand que le mec de tout à l'heure. Hein. De quoi? Ils sont pas aussi grands que le mec de tout à l'heure avec ses 113 œufs là. Hein. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, on aurait dû mettre la photo à côté. Ça peut être assez moche. Oui, je confirme. Surtout pour un mec. Hein. Allez, je publie ou pas? Bah oui. Vas-y. Ah, t'as pas... Depuis tout à l'heure, je suis en train de chercher. T'hésites carrément. Allez, attention, c'est parti, je publie. 3, 2... Et ils sont tous là en train de faire des trucs. Bonne année. Non, c'est bonne branlette dans ce cas-ci. Voilà, ça y est, c'est publié. Ah, j'y vais. On y va. Oh là là. Oh, ce festival là. Oh là là, je dors dedans dans ce. Oh là là. Oh là là là. Ah, attendez. Il faut que je modifie un truc. Oh merde. Bah enfin, non mais rien de grave. Du calme. Eh voilà. Mais Polo est top, hein, vous pouvez toujours me contacter. Hein. Non, Polo, juste non, Polo. Non, il n'y a que Polo, moi je peux pas. Polo, okay. Moi je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Bah j'ai rien moi. T'as rien? Bah j'ai rien d'elle. Ah, moi je sais tout. Enfin, bah, j'ai son numéro de téléphone, je peux la rappeler. Non, Mélissa, je t'interdis de... Ok, ça roule. Ok, vas-y Polo, juste Polo. Voilà, juste merci Polo. Beaucoup Mélissa. Juste Polo, je sais qu'il en fera meilleur usage que moi. Voilà, c'est magnifique, ça déborde. Je me suis permis de modifier un truc, hein, voilà, dans le texte, comme ça au moins on évitera peut-être quelques rageurs, on va voir. Okay. Non, mais Mélissa, moi tu ne m'intéresses pas. Non. Non, parce c'est que. Mais oui, mais je ne peux pas imaginer qu'une fille puisse dire ouais ben Toff ou Polo ou Mickaël. Non, moi je suis. Imagine, je m'en fous. Moi je suis dans l'exclusivité. Ouais. Ah non mais j'imagine, non mais il faut hein. Eh ouais, je veux vraiment bien tomber amoureux d'une meuf, hein, pour les filles. C'est pour ça que du coup je préfère Camille, quoi. Enfin, Jean-Jacques, ouais, je retourne ma veste. Mickaël, moi je préfère l'exclusivité. Donc ouais. Moi je m'en fous de l'exclusivité. Mélissa, moi je te kiffe. Moi j'aime ce gros 90B, voilà. D ou C, ouais, ou je sais pas, je m'en fous. Il y a pas que ça. Non, bien sûr, il y a pas que ça. Attends, juste Mélissa quand même. Il y a Manu qui vient de me dire, oh putain, je plonge dedans là, une bonne branlette espagnole là-dedans. Bon, alors j'y vais aussi, hein. J'admets que l'eau est bonne. Bon ben allez-y, hein, pour aller voir, hein, comme j'ai dit, soyez pas violents, ça sert à rien. Je vais me sentir obligé de montrer mon 90, c'est Stéphanie qui avait envoyé le message. Eh mais il y a plein de meufs qui vont t'en envoyer, hein, du coup. Hein. Oui, bah après elles peuvent, hein. Bon, c'est surtout pour. Oui, bah lui, tu m'étonnes. Il y a punaise, la voix de Mélissa me fait bander. qu'est-ce qu'il y a aussi comme message? Il y en a plein. Bon c'est bon, t'as fait ce qu'il fallait, Mélissa. Je vois. Bon, Adrien, c'est quoi ta plus grosse connerie que t'es faite là? Bah Bah, j'en ai fait un paquet moi aussi, mais celle qui m'est restée quand même assez longtemps, c'est en fait j'avais regardé E.T. et je me suis dit bah c'est peut-être possible en fait ce qu'ils ont fait dans le film. Donc moi j'avais une peluche E.T., je l'ai mise sur mon vélo. Et je me suis dit que bah peut-être que j'allais m'envoler en fait. Ouais. Alors, je me suis surtout envolé à l'hôpital quoi. Sans déconner. J'ai eu des roues carrées, le souvenir que j'ai, et j'ai volé. Mais j'ai atterri plus vite que prévu. Sans déconner, mais tu t'attendais à quoi? Je m'attendais comme dans le film, genre je vais waouh, voilà. Et tu as fait waouh. Donc ouais. C'est une belle connerie, pas mal. Je vais pas dire que tu tiens la palme, mais quand même. Merci. Non mais t'es un bon. L'exclusivité avec Camille aussi, hein, génial. De quoi tu dis? L'exclusivité avec Camille aussi. Ah bah bien. Oui, évidemment. Mais ça après Camille décidera. Hein. Ok. Hein Camille? Oui. T'es maqué au fait ou pas? Pardon? Est-ce non, que t'es célibataire? Ah t'es célibataire. Bon bah. Pas, de toute façon, pire. Enfin, moi je calcule mon coup hein, la Saint-Valentin. Bah t'as raison. Pareil. Ah ouais. Tant qu'à faire, autant trouver un mec pour la Saint-Valentin puis tu le dégages derrière comme ça t'as eu le cadeau quoi. Au moins le resto, c'est minimum syndical. Bah ouais, voilà, c'est ça, ouais. Tiens, il y a Emilien aussi qui dit: moi, en 5e, j'avais pissé dans une poubelle, je l'ai renversé sur un mec, bravo. Nathan qui dit: ma plus grosse connerie, j'ai fait brûler une poussette dans la cave en dessous des tuyaux de gaz, résultat, l'immeuble a failli cramer. Sans déconner, Nathan, mais putain. Kevin qui dit: envoie la photo de Mélissa, s'il te plaît, sur ton mur. Bah c'est fait, là. Et Mickaël officiel, vous allez voir. Je viens de recevoir un mail de Nicolas qui dit: arrête, Mickaël, je vais être obligé de m'arrêter avec le camion, je peux plus tourner le volant. Ah, qui est con. Il y a un message aussi qui est arrivé. Où est-ce qu'il est? Je ne sais plus. Où est-ce qu'il est? C'est Jean-Pascal qui dit: Gilou le Vénard, ce salopard, un vrai gentleman. Emeline qui dit: et un 110D, ça vous intéresse? Ah bah oui, oh là, moi, c'est toujours. Trop ça, c'est trop pour moi. Ouais, mais c'est pas grave, moi ça me convient. Oui, non, bah après tu fais comme tu veux, mais voilà. Il y a Megumi qui dit: bonsoir mes cochons, je suis en retard, mais voir ma coloc se vautrer en plein McDo avec le plateau, ça n'a pas de prix. Bah j'espère que tu vas filmer, surtout comme ça tu nous envoies ça, et puis après nous on fera tourner avec grand plaisir, évidemment. Bon, et eh bah très bien, bah merci Adrien d'être passé, tu reviens quand tu veux. Merci à vous, super. Et puis à bientôt, hein. Bisous Camille, bisous Mélissa. Hein. Eh bah Mélissa, c'est pareil, on essaie de la rejoindre, mais apparemment je crois qu'elle a plus de batterie, mais c'est pas grave. Camille. Elle est tombée entre ses seins, c'est pour ça elle arrive pas à récupérer. Peut-être, ouais. Gros bisous, Camille. Gros bisous. Et tu reviens quand tu veux. À bientôt, Camille. Un petit gros salut. Bisous. Salut. Ah, ben on a récupéré Mélissa. Tiens, Mélissa. Ouais. Allez, pour le sport. Allez, je me fais plaisir. Un dernier coup, là. Vas-y. Quel plongeon, t'as vu, c'était atterrissage, c'est atterrissage ah, même. Bon, bravo, c'était beau, Mickaël, c'était magnifique. Bon, ah ben nouveau parti, bon ben ça coupe tout le temps avec Mélissa, c'est pas grave. Bon, parce ben que gros bisous Mélissa. Sous le téléphone, Mickaël. Bah peut-être, ouais, bah gros bisous Mélissa. Ce que je propose, c'est qu'on se mette le son de Jason Derulo pour terminer là, et puis juste après, Polo Against the Rest of the World. N'est-ce pas? Oui, je suis là, je suis prêt. J'étais prêt. Bah j'espère bien. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, no limite. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et il y a Emeline qui dit: les mecs, calmez-vous, c'est que dessin. Oui, oh bah hey. C'est pas que dessin. Quand même. Bon, Jason Derulo maintenant, c'est Marry Me. Juste après, Polo contre le reste du monde. 105 is the number that comes to my planet. Mickaël, no limite. Tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Allez, en direct sur Fun Radio, 2h02, toujours au cœur de la nuit sans pub. Emeline qui dit: les mecs, calmez-vous, c'est que des nibards. Ça va aussi. Christophe qui dit: votre émission est comme une drogue, on ne sait pas s'en passer. Est-ce que je peux avoir un message de bienvenue? Bah, si tu veux, ouais. Allez, vous faire foutre, je fais des têtes de con. Je t'en mets même un deuxième. Je vais venir, je vais t'enculer ta race de merde, je vais t'enterrer, je vais te mettre ma bite sur la tête, je vais te couper ta croissance, toi. Voilà, et on a encore des appels avec Toff là, mais je pense qu'il s'est fait mal à son pied. Et il a l'orteil pété, ouais. Non. Mais c'est ce qu'il m'a dit, il m'a dit, il n'arrivait pas à marcher. Il fait du cinéma. Donc bah je pense qu'on va devoir avorter les appels, sauf s'il arrive là, il est là. On fait les appels ou pas Toff là? Oh l'autre il boite. Il manquait plus que ça, tiens. Non mais je me suis défoncé à l'orteil là. Mais arrête, je suis sûr que t'as rien. Oui, il me dit le mec hyperchondriaque quoi. Moi? Oui toi. Moi je suis hypochondriaque. Non, tu es hyperchondriaque, c'est encore pire. N'importe quoi. Alors là, qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme conneries? Bon, on fait les appels. Le mec il a une petite éraflure, il faut appeler les urgences. Mais mieux vaut prévenir que guérir. C'est vrai, Tof. Bah voilà. Est-ce que j'ai pas raison, Polo? Mais t'as tout à fait raison, Michel. Ah, je me disais, c'est vraiment la place de l'enculé là que t'as prise. La place. En fait, c'est la place. Faut que j'explique. Pour faire Polo contre le reste du monde. Contre la place du monde, j'allais dire. Contre le reste du monde, je prends la place d'Off parce qu'il a un standard à sa disposition. Et tu te sens un peu salope. Ouais. Tu te sens un peu. T'as envie de donner ton cul à la terre entière. JB, je vois que tu es en train d'avoir une érection. Calme-toi. Ouais, reste calme. Il est beau gosse. Bon, donc du coup, avant de faire Polo contre le reste du monde, on fait un petit appel, Tof. Allons-y. On voulait savoir si les meufs voulaient avoir un sextoy et comment elles le vivaient si elles se faisaient offrir un sextoy par leur mec. Exactement. Donc on appelle, c'est parti, on y va. Les derniers appels pour ce soir et puis Polo contre le reste du monde. Ouais, pas. Allô? Oui. Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir madame. Oui, Tof à l'appareil. Je connais pas. Non, on se connaît pas en fait. Je voulais savoir si ça vous ferait plaisir que votre mari vous offre un sextoy. Non, merci. Non, merci quoi? C'est pas. Allô? Ah oui, non, mais elle a raccroché. Mais qu'est-ce que c'était que cette vieille expression Tof à l'appareil? Ah ouais, tu veux que je dise quoi? Tof à l'appareil. Mais c'est Tof à l'appareil. Ah, tu veux que je dise quoi? C'est Tof dans le combiné? Bah au téléphone, c'est Tof. C'est Tof. Voilà, c'est Tof à l'appareil. JB, me regarde pas comme ça avec les blagues que tu fais le soir. À l'appareil. Bon, on la rappelle ou pas? Ouais. Allez, à 2h05 là, on y va, on remet le couvert encore une fois. Tof à l'appareil. C'est Tof à l'appareil. Dégage. Oui, excuse-moi, mais parce que en fait, vous avez pas bien compris la question, je pense. J'en ai rien à foutre. Mais non, en fait, moi, je voudrais savoir si ça vous ferait plaisir que quelqu'un vous offre un sextoy. Mais va te bouffer ton sextoy, c'est pas chier. Mais pourquoi vous dites ça, madame? Allô? Ah non, belle raccrochée. On terminera là-dessus, alors c'est dommage. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Tant pis. Bon, on rappellera demain à partir de 23h, donc en direct, évidemment, sur Fun Radio. On va se faire Polo contre le reste du monde. On y va. Et on se fera le top plutôt juste après. Le générique de fin, évidemment. C'est parti, ladies and gentlemen. Et bienvenue pour cette nouvelle session, puisque j'utilise des mots ringards un peu comme Tof, de Polo contre le reste du monde. Vous êtes sur Fun Radio, c'est Polo à l'appareil. N'hésitez pas à appeler, le standard est quasiment blindé. Il reste des places, n'hésitez pas, on y va tout de suite. On commence avec Mickaël. Ah, j'embrasse Indy, le piou piou. Elle est magnifique, voilà. Je l'embrasse comme ça au passage, je suis comme ça, je suis grand seigneur ce soir. Mickaël, je t'écoute. Ça va, mon pote? Non, ça va pas, casse-toi. Manon! Oui? Que veux-tu? Bah, je sais pas, j'ai pas compris les règles. Eh bah alors reste là. La vieille dans Polo contre le reste du monde. Allô, Polo? Salut, la vieille. Oui, dites-moi, je suis scandalisé. Pourquoi donc? De voir des jeunes filles comme ça passer avec une poitrine et la mettre comme ça ouvertement gratuitement sur le Facebook. Mais madame, madame, il n'y a plus de jeunesse. Oui, bah écoutez, ne m'en parlez pas, jeune homme. Je trouve ça honteux. Calmez-vous, la vieille. Eduardo dans Polo contre le reste du monde. Polo. Ouais, Eduardo. Je t'aime les lundis. Ouais. Je t'aime les mardis. Ouais. Je t'aime les mercredis. Ouais. Je t'aime les jeudis. D'accord. Et les autres jours aussi. Oh, merci, Eduardo. Kevin dans le Polo contre le reste du monde. J'aimerais lécher le petit orteil de toi. Je ne comprends pas. Anthony. T'es un connard, t'as compris, un gros. Ça c'est vrai, ça. Victor. Polo. Victor, oui. Va voir un psy. Arnold. Arnold. Oh là là, mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? On m'a encore branché sur le standard d'un asile psychiatrique. Hein? Standard minable. Mais ça discute, regardez ça. Ça discute. Standard de merde. Mickaël, le retour. Oui, je suis intéressé par Mélissa. Je m'en fous. Manon. Oui, je suis une paumée en fait. Qu'est-ce que tu veux, Manon? Vas-y, je t'écoute. Je suis là pour ça. Bah ouais, mais en fait, je suis en dépression. D'accord. Parce qu'il y a un garçon qui est amoureux de moi. Ouais. Mais je sais pas quoi faire. Et bah, tu l'aimes ou pas? Bah, un peu, ouais. Et bah, sors avec lui et vois si c'est l'homme de ta vie. La vieille. Oui, allô, Polo. Je vous écoute, madame. Dites-moi, est-ce que vous pourriez me donner votre mail? Oui, polo@funradio.fr. Mais par contre, je n'accepte pas les photos de votre poitrine, madame. Je voudrais vous envoyer une photo. Non, je vous remercie. Non, Eduardo. Polo. Ouais. Je t'aime en janvier. D'accord. Et Kevin? J'aimerais lécher le petit orteil de Tof. D'accord. En fait, tu dis... En fait, est-ce que t'as un disque ou un perroquet? Kevin? J'ai pas de perroquet. Pas d'accord. De... Anthony? Le brésilien, je dis que t'arrêtes, t'as compris. Ok, allez, casse-toi d'ici, Anthony. Victor. Canette. On termine, dégage, Arnold. Arnold. Ah, ok, Mickaël, pour terminer ce polo contre le reste du monde. Bah, j'aimerais bien voir son numéro de téléphone. À qui? À Mélissa. Mais non. Pourquoi? Bah parce que. Parce que pourquoi? C'est parce, moi que c'est le... parce que c'est comme ça. C'est moi le meilleur. Allez, casse-toi. Voilà, Manon. Il n'y a vraiment que des dalleux hein, dans votre radio, sérieux. Il n'y a pas de dalleux, on s'en fout, Manu. Vas-y, bon, bah Manu, tu vas voir le mec, tu l'appelles, tu prends un rendez-vous avec lui, vous sortez ensemble. S'il te plaît, tu restes avec lui. S'il te plaît pas, tu le dégages, ok? D'accord. Allez, casse-toi, la vieille pour terminer. J'aimerais que tu me lèches les seins. Oh, ouais, madame, mais ça va pas ou quoi? Viens, Polo, tu m'excites. Mais ça avec va pas, mais jeune homme. Mais... Allez, viens. Mais ça va pas, madame. Je mais je ne suis pas. Mais je ne suis je pas. Suis mais déjà en train de me toucher. Oh là là, madame, je vous dégage. Oh là, mais c'est pas possible ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Eduardo! Moi aussi, Polo, je voudrais te... Oh là là là, Kevin! Polo, tu gagnes l'épreuve demain. Ok. Allez, ciao. Ciao, Kevin. Arnold, pour terminer. Arnold Arnold, ouais. Vous êtes combien là? On est 3, on est 4, on est 5, on est 1 million là bon. Arnold Ouais. Est-ce que t'as pris tes cachets? Ouais, j'ai pris mes cachets là, je vais les prendre. Vous êtes dans un... Arnold Eh, hey, Arnold, vous êtes dans ouais. un... Vous êtes... Ouais, je t'écoute vous là êtes... Vous êtes dans un zoo là ou quoi? Ouais, mais pas un zoo là. Bon. Arnold, allez, casse-toi Arnold, reviens demain. Eduardo pour terminer. Oui, Polo. Oui. Qu'est-ce que je peux pas te manger? Non, allez, dégage. Ainsi se termine Polo contre le reste du monde. Merci à tous ceux qui ont participé. Et merci à ceux qui ne participent pas, car ça me fait toujours plaisir. Je m'en vais. Oh, c'est ouais, fin de merde. Ouais, je sais, mais je suis un peu... Ouais. J'ai appris avec Toff. Mais moi. T'as une touche, apparemment, là. Avec qui? Avec ta grand-mère, là. Oh, quel... Hey, mais t'as une touche, apparemment. Mais c'est bien, fallait que ça arrive. Hein. Si jamais ça va pas avec Mélissa... Je me sens mal. Tu peux dire toujours la grand-mère. Hein. Ah non, mais je préfère Mélissa. Oui, bah j'imagine bien, mais c'est au cas où quoi. Bon, on va se faire le top tweetos dans un instant sur Fun Radio. On va se faire le générique de fin également. Et puis, bah, on va offrir le dernier pack au bat là maintenant, offert par. Medesou.fr. Oui, voilà. On va l'offrir maintenant sur le Twitter de l'émission. Donc, on va voir quel est le meilleur ou la meilleure auditrice de la soirée. Celui ou celle qui aura été le plus actif sur le Twitter de l'émission avec le hashtag Mickaël. On va donc y aller, numéro 5. Bien sûr. Alors, pendant ce temps, il est en train d'écrire des mots d'amour à Sandro. Alors, forcément, oui. Il s'étonne que ça marche pas. Alors, Julien. Julien, numéro 4. Je rappelle que si le premier, bien évidemment, a déjà gagné, on ira voir les autres, forcément. Numéro 4. Julien. Fred S. Numéro 3. Indou le Piu-Piu. Numéro 2. Magda. Numéro 1. Let's be free. Et qui a déjà gagné hier pour le coup. Donc du coup on fait tomber à chez qui alors Magda le pack. Je crois qu'elle a pas encore. C'est Magda Indy, qui a pas encore gagné. Elle en a déjà eu un. Donc alors c'est le Piu-Piu. Alors c'est Indou le Piu-Piu qui a pas encore eu son pack Saint-Valentin spécial Obad. Voilà, à faire part. Medesou.fr. Exactement. Bon, et ben parfait. On va se quitter là avec le petit générique de fin. Ouais. Allez, let's go. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bitoffs, te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton oncle, y'a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car t'encules ton oncle, ton oncle, ton oncle. Putain, dormir ou bien manger, car t'encules ton oncle toute la journée. Et dans ton cul, connard. T'as compris, fils de pute. Va te faire soigner, connard. Bah, tu dois te faire foutre et puis c'est tout, Trésion. Fais pas chier parce que ça va être vite fait, je vais te mettre sur écoute et tu vas voir tout, tu auras ton numéro. T'as pas... Toi, ta mère, ta grand-mère. Ils sont canadiens. Ta gueule, connard. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule de mère, toi l'enculé. Tu souffres des pitofs, te sucer, toi l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer. Et puis ton oncle c'est un enculé. Oui tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Merci. Merde. Eh oui, c'est pas grave, il y a eu un duo comme ça en même temps, ouais. Tiens, parfait. Ah et c'est ça. Eh ben c'est ça, on se retrouve demain à partir de 23h sur Fun Radio en pleine forme. Et puis pour la dernière de la semaine surtout. Hein, passez une bonne nuit tout le monde. Salut, salut. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. MIKL, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et c'est JB. Ah oui, non, demain on n'est pas à 23h, on arrive à 21h. Ouais. Demain on arrive à 21h, oh, oui. Juste après Love in Fun. Le Love in Fun qui sera raccourci. Et puis bah nous, à partir de 21h, 21h, 23h, spécial Star Wars. Puisqu'on sera en direct de Paris Saint-Denis, donc pour la Star Wars Identity. Vous faites 21h, 2h. Ouais. Oui. Oui. On fait 21h, 2h, donc 21h, 23h en direct de le Star Wars Identities. Et à partir de 23h plus ou moins, on sera de retour dans les studios de fans pour faire l'émission normale. Oh là là, et vous, et le transfert, vous le faites en hélico en commandant? Ouais, on a un hélicoptère, on a le fun hélico. Le fun hélico. Et Toff, il vient en chien de traîneau. Voilà, exactement. Ouais. C'est bah, comme ça, j'arrive. Non, en chien de traîneau. En chien. Voilà, et apparemment, j'ai ouï dire que JB de JB la nuit passerait nous voir à Star Wars Identities. Demain. Quel talent, le mec. Le mec, il est fort, quoi. Il est fort, ce non, JB. Mais, alors, il rigole pas, le JB. Bravo, hey, JB, quel talent. Alors, JB de fort. JB la nuit, pas n'importe lequel. U et moi. Il y a peut-être une personne sur la Terre qui n'a pas fait ça. Je n'ai jamais vu Star Wars. Eh ben justement, ce sera l'occasion. On va te présenter Chewbacca. On va te présenter Dark Vador. R2-D2. Ça va être génial. Tu vas voir. Il a souligné un truc important. Il a dit qu'il était un culte. Et ça, on le savait déjà avec JB. Oui, exactement. Il était bon que tu le saches aussi. Ouais. Regarde, je te présente Chewbacca. J'aime ton cul, toi, c'est tout. Pas un culte. Chewbacca. R2-D2. Ah ouais. Bah, tu vois, les gens sympas. Dark Vador. Ah oui, je suis ton père. C'est ça. Vas-y, fais-le. Je t'emmerde, JB. Ouais, on dirait un sous-marin. Ah, avec il ça, est là. On est bien là. JB, je suis même la nuit. Ah, on va être bien demain. On va être très très bien. JB la nuit. JB la nuit. Et d'un con. JB la nuit. JB la nuit. JB la nuit. Il aime que les quotas de merde, il aime écouter que la musique d'enfoiré. Magic System, collectif métissé. Salut, salut, c'est le collectif métissé. J'y vais la nuit, j'y vais la nuit. 2h à 6h du mat. Oh l'horreur. C'est quand que vous faites un générique? Eh ben écoute, on va y réfléchir. On va y réfléchir, on va y réfléchir. Ah, alors vous savez qu'on était. Tu peux baisser la musique là, je m'entends pas là. Voilà, vas-y, Ah voilà. Oh, Dark Vador qui arrive ça. C'est quand même, vous êtes fan. Ouais. En fait, Dark Vador, il est sur l'étoile de. L'étoile noire. Tu sais, pour détruire la planète, et là il marche. Et là, il y a tout le monde derrière, tu sais, il y a les soldats et tout. Ça excite pas Toff quand tu dis l'étoile? Dark Vador. Qui est le père de Luke Skywalker. Exactement. De son vrai nom, Anakin Skywalker. Tout à fait. Lui-même. Bon, on en parlera demain. On en parlera demain, on en parlera demain. Bon, JB, donc on te voit demain, Star Wars Identities. Je sais pas. Peut-être que je vais dormir. Hey, JB, si tu viens pas, Toff te roule une pelle. Ah ouais. Non, un doigt, mais non, je lui mets un doigt. Un doigt. C'est rien, un doigt. L'étape de la paix, on a passé. C'est rien, un doigt. Et comme ça, ça va. Un doigt, où ça? Dans la bouche? Non. Non, dans l'urètre. Dans l'urètre. Imagine, dans l'urètre. Dans l'urètre. Bon, allez, passez une bonne nuit, tout le monde. On se quitte là maintenant. On revient demain à partir de 21h. Ne loupez pas tout à l'heure Bruno dans la radio. La France. Salut, la France. La Salut. France sera à l'écoute de Bruno dans la radio, comme chaque matin, bien évidemment. Bien sûr. Et puis, je vous laisse dans de mauvaises mains là. Vous savez ce que c'est quand même un canard qui sort de chez le coiffeur? Attends, laisse-moi réfléchir. On va écouter Daft Punk maintenant. Un canard laqué. Avec les Stone Crush maintenant sur Fun Radio là. Allez, bonne nuit tout le monde. Je vous ai peut-être, j'espère, j'ai pu vous épargner cette vanne de merde. On se retrouve demain. Salut tout le monde. J'en parlerai à la direction. J'en parlerai à la direction. J'en parlerai à la direction.